Attention, les retransmissions sont maintenant contrôlées par la secte du jeu vidéo. Novembre 2045, 30 ans après le fameux Candy Crush, 30 années que le monde s'est écroulé suite au double succès cinématographique de Kev Adams. Devenu président suite à la sortie en salle d'Aladdin fait du ski, qui fracassa le record d'entrée avec 30 millions de spectateurs, ce symbole de l'humour français se mit en tête de placer Squeezie au ministère du Doritos, et Cyprien devint ministre de la Culture. Pour essayer de modifier ce destin tragique, John Connard, chef de la résistance en quête de vengeance, envoie une équipe faire le ménage. Camarades gamers, le jeu vidéo, c'est maintenant. Using me with someone else? Finish him! Yeah! Let's rock! Camarades gamers, bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro du jeu vidéo. Aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux jeux post-apocalyptiques. Et forcément, dans ce Westland, je suis accompagné de punks complètement tarés qui vont parler de jeux vidéo comme des dingos. Donc, il y a Rhône. Bonjour Rhône, comment vas-tu ? Bonsoir les tchepons, j'ai mis une crête toute verte, je me suis mis un anneau dans le nez, je me suis beaucoup entraîné à prononcer post-apocalyptique, je crois que magnifique. Je suis pareil. Quoi. Voilà, trois combos d'un seul coup comme ça, quelle élocution magnifique j'ai envie de dire, maître Rhône. C'est ça le travail. Hein. Ah, ça c'est classe, mais bien sûr... Tu n'es pas seul avec moi, tu es avec Matt qui revient du mariage, il a la bague au doigt. Est-ce que tu es heureux, Matt, de revenir ? Bah c'est un genre d'apocalypse, hein, je crois qu'on peut le dire. Je voulais pas le dire. On est plutôt dans le thème. Ça se fait pas. Mais ça va super, et toi, Creepers ? Bah écoute, moi ça va plutôt bien, je suis assez content d'être avec vous, assez content que tu reviennes, même si on a eu des accompagnants qui étaient plutôt de qualité la dernière fois pour parler de Star Wars. Et en tout cas, je suis content que tu reviennes en forme pour parler de post-apocalypse. Et d'ailleurs, c'est toi qui avais proposé le sujet, donc tu devais sentir le vent tourner au moment du mariage, hein. Tu t'es dit là c'est le moment de balancer ça. Voilà, je balance mon célèbre post-apo-po-po. Oh, il est chaud, et tu es aujourd'hui avec un de tes collègues de Quid Novi, puisque nous recevons aujourd'hui une force du PC. Hein, attention, parce que là, il est là pour représenter le PC avec Matt aujourd'hui, c'est Barberousse. Bonjour, Barberousse. Bonsoir, ou bonjour, ce serait vachement mieux sur PC ce podcast. Je suis d'accord, mais tu vois, je vais essayer petit à petit de me mettre au PC, mais il faut dire qu'on l'a déjà dit assez souvent. On a des consoles qui sont aussi des PC, hein, tu l'as dit exactement. Tout à l'heure, Rhône, et donc on est un petit peu camouflé, mais on n'ose pas assumer. Et attends, il y a même des PC maintenant qui depuis longtemps ont tout piqué aux consoles, c'est aussi des consoles, mais ils aiment pas trop qu'on le dise, ça, en général. Ah merde, le débat, on est en train de dévier un peu l'apocalypse du débat. Le débat nul du retour. Ah, le débat nul, parce qu'on avait fait un petit débat avec Barberousse pendant l'été qui a été diffusé. En automne, hein, c'est comme ça, c'est le décalage horaire du podcast avec... Fallait que je reboote mon PC. Avec ma console, j'aurais pu le poster directement, mal sûrement, mais voilà, en tout cas, il aurait pu être posté avec une mise à jour de 26 gigas avant que ça arrive directement sur 40 FPS, mais non constant. Hein, c'est aussi une particularité. Avec des DLC payants à 15€ chacun. Alors on est déjà en train de raconter n'importe quoi. Donc aujourd'hui, le jeu post-apocalyptique. Donc on va essayer de faire le tour un petit peu. Donc là, j'ai fait des présentations. Donc il suffit de lancer maintenant la première partie. Le jeu vidéo. Le dossier. Alors voilà, nous plongeons tranquillement dans le désert. Nous sommes dans le Westland. Alors on a essayé de faire une émission qui collait un petit peu quand même avec Fallout 4 qui est sorti depuis quelques temps maintenant, qui fait un gros carton d'ailleurs. Le jeu de Bethesda qui avait été annoncé à l'E3 de cette année et qui est sorti très rapidement maintenant, là, en fin d'année. Alors on fera un petit topo hein, sur le jeu vraiment à la fin de cette première partie, c'est de voir s'il y avait une grosse attente chez mes comparses. Mais bien sûr, avant cela, nous allons passer par la case Grognon. Voici l'instant grognon. Moi j'aime pas. Avant d'être lié aux jeux vidéo, le genre post-apo est lié au cinéma. L'ambition est claire, se mouvoir dans un monde ayant fait table rase du passé pour dénoncer les dérives sociales d'une société étouffante et oppressante. En d'autres termes, le post-apo permet de souligner les travers de notre société actuelle en poussant plus loin les logiques dans lesquelles nous vivons afin de démontrer l'absurdité de notre monde. Par exemple, on pourrait imaginer un monde dans lequel les fanatiques religieux auraient éradiqué une majorité ne partageant pas leur avis. Ils auraient détruit tout symbole de culture et toute trace du passé pour célébrer un obscurantisme crétin. Une fois maîtres des ruines fumantes de l'humanité, ils deviendraient peu à peu physiquement ce qu'ils sont déjà à l'intérieur. Des animaux, des lemmings qui se font exploser dès qu'ils sont coincés. Grâce au principe de base de destruction de la civilisation et donc de ses valeurs, on peut donc rendre crédible une histoire pourtant à dormir debout d'hommes qui tueraient d'autres hommes au nom d'une hypothèse. Comme vous le voyez, ce style permet de développer pratiquement n'importe quoi, y compris les hypothèses aussi farfelues et absurdes que l'exemple donné. Ouais. Ou alors. Le post-apo, c'est le moyen de faire des films pour trois fois rien où on peut montrer des actes barbares et des bastons dégénérés. C'est un bon moyen de faire un film qui ne coûtera pas cher, vu qu'on peut se contenter de filmer des gens habillés avec pour tout costume des fringues sales ou des déguisements probablement achetés à la foire fouille, déambulant dans des décharges publiques, des usines désaffectées ou des casses automobiles. Le plus gros budget ira dans la poussière à coller sur la tronche des acteurs. Pire, c'est l'occasion, puisque plus rien n'existe, de raconter n'importe quoi et si possible n'importe comment. On se fout complètement de la logique, ce qui permet d'afficher des visuels plus absurdes les uns que les autres en faisant comme si c'était normal. Je ne suis pas loin de penser que pour les premiers films du genre, la costumière a mis sur la table tout ce qui traînait dans le studio. Des armures de chevalier, des fringues de pute, des tenues d'hommes des cavernes et des perruques cognos. Le résultat de tout ce bordel est que maintenant, dans l'inconscient collectif, on est tous persuadés que si un cataclysme nucléaire devait avoir lieu, la Terre serait ensuite peuplée majoritairement de punks. Je voudrais dire d'ailleurs que les punks sont plus résistants que les autres êtres humains. Pareil pour le matériel. Puisque tout est vieux, on peut utiliser sa vieille Fuego pour en faire un véhicule de fou. Et les décors sont les mêmes que dans les bastons de Xor ou de Spectroman. Alors oui, je te vois toi là-bas, qui veut absolument dire que Mad Max, c'est génial. Et je ne te donne pas tort, sauf si tu inclus le troisième dans ta déclaration d'amour, auquel cas je me verrais forcé de faire disparaître tous les poils de ton corps au chalumeau. Mais pour un Mad Max, combien de chéris 2000 ? Il y a le fils de l'homme, mais aussi Cyborg, avec Van Damme et un méchant en côte de maille. Ah non, ouais, pas Cyborg. On réfléchit beaucoup sur notre condition d'être humain dans La Route, mais nettement, mais alors vraiment nettement moins dans Terminus, avec Johnny Hallyday en blond peroxydé. Et pour les jeux vidéo, ils s'en sortent un peu mieux puisqu'ils misent sur quelque chose de beaucoup plus spectaculaire que la majorité des films. On n'hésite pas à faire de grands décors et à balancer du spectacle. Ça coûte pas plus cher. Pff, aucun respect du genre. À quand une bonne adaptation de ce qu'est majoritairement le genre post-apo ? Tant qu'il n'y aura pas une adaptation officielle des Rats de Manhattan, le genre post-apo en jeu vidéo, ça restera forcément une aimable distraction pour jeunes punks. Va voir la bande-annonce des films dont je parle dans cette rubrique, cher poditeur. Et seulement là, tu sauras vraiment ce qu'est le véritable post-apo. Bah écoutez, je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de dire monsieur, c'était franchement intéressant, très bien écrit encore une fois. Peut-être même ta meilleure chronique Rhône, je te cire les bons parce que c'est quand même gratuit ce que tu fais. Mais Ah bah oui, c'est vrai. Non, je dis, mais je sais pas ce que vous en pensez, Barberousse et Matt, mais c'était vraiment très chouette. J'ai pris du sable dans l'œil, hein, ça m'a touché. Ah ouais, je sais, tu as la larme facile. Moi je pleure, mais c'est vraiment de joie. Tu pleures de joie. En tout cas, il y a plein de choses là-dedans. En plus, tu as quand même réussi à nommer plein de superbes post-apo italiens des années 80, cette époque justement où avait explosé le post-apo au cinéma parce que Mad Max 2 avait remporté un énorme succès partout dans le monde. Parce que c'est quand même le film, un petit peu, on peut en parler rapidos, même s'il y a eu énormément de films post-apo avant, enfin énormément, il y en a eu quand même pas mal qui ont tâté un petit peu le terrain, mais c'est vraiment le film qui a explosé, qui a lancé la mode du post-apo dans les années 80. Il y a eu des montagnes, il y a eu les Guerriers du Bronx 1 et 2, donc il y a eu les Rats de Manhattan, comme tu l'as dit, avec ces mecs en tête de rat à la fin du film, absolument mythique, de Bruno Mattei. Donc voilà, si vous aimez un petit peu les films bis, complètement tarés, vous pouvez un petit peu zioter donc effectivement les films qu'il a nommés dans cette chronique là. Mais il y a énormément, d'ailleurs même un bouquin qui est sorti par Nanarland il y a pas longtemps, je sais pas si vous avez vu ça un petit peu, très très grande qualité, commence à être en rupture d'ailleurs, donc si vous voulez un petit peu vous marrer en voyant des films complètement tarés, jetez-vous sur ce bouquin. Il y a des images bien sûr, parce que je sais que tu sais pas lire, donc tu pourras Ah, ça change tout. Ouais, mais je pourrais te montrer le bouquin si on se croise un coup au cinéma, je le ramènerai et tu verras. J'ai même pas à l'acheter, putain. Ah non, mais je suis sympa, moi, tu vois. Non seulement tu travailles gratuitement, je peux quand même te prêter un bouquin. Mais on commence déjà à dériver, mais en tout cas, voilà, Mad Max est sorti et c'est là que le post-apo a explosé un petit peu partout. Est-ce que vous êtes des fans un petit peu justement de cinéma bis, post-apo ou même de post-apo tout court, hein, Barberousse? Est-ce qu'il y a des films que tu kiffes? Justement, t'as regardé Mad Max il y a pas longtemps, il semblerait que tu aies bien kiffé. Ah, Mad Max Fury Road, il est formidable, mais il développe à la fois un univers et puis surtout une esthétique bien typique du post-apo. Absolument. Mais du post-apo nucléaire, du désert, Tumbleweed, il n'y a pas d'eau, c'est tout sec. Il a réussi, George Miller, à relancer même une franchise qu'il a lui-même installée et repartir sur des bases complètement nouvelles, et c'est quand même un tour de force. Je crois que tout le monde a aimé ici, hein, Mad Max, de toute façon. Ah oui. Sinon, vous ne seriez pas là, de toute façon. Donc. Ça aurait été hors de question. Donc le post-apo en jeu vidéo, donc c'est forcément une chose qui nous intéresse là maintenant avec Fallout qui vient de débarquer, mais on va un petit peu voir ce qui est sorti un petit peu avant Fallout justement, parce qu'il y a énormément, d'ailleurs j'ai un petit peu même découvert des styles de jeux post-apo en préparant un petit peu ce podcast, et grâce à Barberousse notamment qui m'avait donné des rubriques un petit peu particulières. Dans les premiers jeux qui sont sortis dans l'univers post-apocalyptique, il y a même Rhône qui a déterré comme ça une œuvre que je ne connaissais pas, qui date de 1987, c'est Asphalt. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Asphalt, Rhône? Ah bah oui, je peux en parler, c'était quand même un jeu assez incroyable. On dirigeait un camion qui transportait de l'essence, donc on était déjà dans un peu des thèmes qu'on retrouve dans Mad Max. Absolument. Et le camion était armé, il était vu du dessus, en allant gauche à droite. Alors, il faisait pas pouet-pouet parce qu'on était sur Amstrad, et sur Amstrad, tous les bruitages font pouet-pouet. Ah, merde. Et il y avait des motos qui arrivaient sur le côté, donc il fallait les shooter, ça, ouais, pour essayer d'avancer le plus loin possible. Bon, je peux pas tellement en parler plus, on peut pas dire que ça m'ait laissé un souvenir impérissable, ça m'est juste revenu comme un flash là avant la préparation de et de surtout podcast, que les motos mettaient au moins 10 minutes à charger avec la petite cassette. Oui, c'était horrible. Les consoles, quoi. Oh mon dieu, c'est le royaume du Ice Lash, du coup Matt est là avec son camarade PC, c'est là du coup balance des saloperies, c'est pas très gentil. C'est un ordinateur, l'Amstrad. En plus c'est un ordinateur, effectivement, l'Amstrad. Et donc Asphalt était il semblerait le premier jeu à utiliser donc l'univers post-apocalyptique. Mais avant de continuer, je vais laisser la parole à Matt qui va essayer de nous expliquer un petit peu justement ce qui fait la particularité d'une œuvre post-apocalyptique. Alors oui, donc définition, évidemment une adaptation libre d'un scénario trouvé par une advertance sur Wikipédia. Donc aucun rapport avec Post-Apollinaire. Quel journaliste. Fils unique. Voilà, Queen Novi, tout ça, dédicace. Yo. Donc le post-apocalyptique ou même le post-nuke, tout ça désigne en fait un sous-genre de la science-fiction qui présente un univers bouleversé suite à une catastrophe à l'échelle d'une civilisation. Alors, ou pas, effectivement, on va le revoir ensemble. Une catastrophe à laquelle on peut trouver plusieurs causes. Là, on entre dans le côté un peu libre au niveau de l'interprétation, justement. Ça peut être à cause d'une guerre nucléaire, comme dans Fallout, souvent, cette ouais, magnifique petite musique. Ça peut être une collision avec une météorite, une épidémie, une crise économique, énergétique, une photo seins nus de Evangeline. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour faire du tablé, du passé table rase, merde, je m'en mêle dans mon expression, et recommencer à zéro. Bon, à zéro, plus ou moins, parce que il faut pas s'attendre à un Eden tranquille et serein. Le post-apo, c'est plutôt connu pour son aspect violent. On n'est pas chez les bisounours. Hein. Toutes les traces de ce qui représentait auparavant l'ordre a disparu. Et c'est bien souvent la loi du plus fort qui s'impose. On peut trouver des aspects survie, des aspects religieux. C'est quand même des thèmes assez extrêmes qui, au final, mettent en valeur les relations entre les hommes. On est à la fois dans la fin et le début, un océan de nouvelles possibilités où une lampe est sourde d'agonie. On pousse les contrastes au maximum pour au final en apprendre plus sur le réel. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, c'est écoute joli. Là avec la petite trompette derrière et tout, franchement on s'y croit et t'as un petit peu résumé effectivement l'ambiance post-apo et à un moment je te trouve plutôt injuste avec les bisounours qui ne seraient pas présents dans le post-apocalyptique parce qu'un bisounours punk pourrait parfaitement trouver sa place. Ce serait possible. Ça fait partie vraiment des bases, il faut des punks. Un bisounours avec des clous sur le ventre. Un bisounours avec des clous sur le ventre, ça serait magnifique. Viens, je vais te faire un bisou. Un bisou, viens que je t'embroche. Ça serait tellement beau. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Ron, par rapport à cette définition, somme toute très complète, de notre camarade Matt ? J'ajouterais peut-être juste un ou deux petits éléments, mais j'ai vraiment eu du mal à en trouver tellement c'est complet, ce que nous a fait Matt. Incroyable, hein. Le passage avec Evangélie m'a particulièrement touché. Peut-être sur les éléments visuels qui marquent le post-apo, il y a un certain nombre de codes qui sont, entre guillemets, à respecter pour faire partie de la catégorie post-apo, et notamment l'état de destruction des environnements. Absolument. Cet état de destruction, c'est ce qui va marquer aussi depuis combien de temps il y a eu une catastrophe, et c'est ce qui montre que ça retranscrit l'abandon de la société pour passer à autre chose. Parce que par exemple, le premier Mad Max, c'est pas complètement constitué post-apo. Si on regarde par rapport au film, le 2 est un vrai post-apo, c'est-à-dire que on a vraiment ciblé le côté fin du monde et gros bordel, mais par contre le premier, on a encore des bases policières qui sont installées, donc il y a encore un petit peu de droit, on va dire, dans cet univers-là. Ben c'est ça, en fonction de ce qui tient debout dans les bâtiments et dans les villes, ça permet de situer à combien de temps de la catastrophe on est, y compris dans un film à nouveau australien dont évidemment je viens d'oublier le nom, qui est très intéressant. Où, Skippy où, oh, je me rappelle plus, oui ça doit être ça, Skippy, ouais. où c'est une catastrophe économique qui marque la bascule dans le monde post-apo. Ce qui est plutôt original, mais ce qui fonctionne aussi très bien puisqu'on se retrouve également avec des environnements hyper décrépits, enfin qui s'usent très vite, qui sont abandonnés, voilà quoi. C'est cet aspect visuel, moi je crois que c'est important et que si on n'a pas ça, bah on n'est pas vraiment dans le post-apo quoi. Barbarousse, est-ce que tu aurais des choses à rajouter par rapport au post-apo ? C'est quoi pour toi les bases principales d'un univers post-apocalyptique ? Moi les bases, ce serait déjà la fin de la société en elle-même telle qu'on la connaît maintenant. Plus, je dirais, c'est une question de choix, soit c'est au niveau local, soit c'est carrément au niveau mondial, ce serait ça vraiment qui change tout. Que le monde soit détruit ou pas, ou soit juste en voie d'être détruit, ça change pas grand-chose. La catastrophe a lieu et que 2 mois après, on commence à regarder ce qui se passe, ça restera du post-apo. Par exemple, tu parles, justement, je parlais tout à l'heure un petit peu des zones ciblées, du post-apo ciblé, comme on verra un petit peu, il y a des jeux qui sont justement dans des espèces de huis clos ou des endroits assez limités. Si on prend l'exemple un petit peu, on revient encore au cinéma, après on parlera jeux vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais si on prend par exemple le cas de 28 jours plus tard, est-ce qu'on est dans un cas un petit peu de post-apo ciblé avant que ça passe justement au côté global, ou c'est un peu ça l'exemple du post-apocalyptique, comment dire, je sais plus c'est quoi le nom que vous aviez donné. Attendez, moi j'ai dit localisé ouais. Juste sur un endroit. Bah après faut faire la différence entre ce qu'on appelle une invasion zombie ou un post-apo. Est-ce qu'une invasion zombie c'est bien du post-apo ou pas? Alors là on attaque débat un ça petit peu poussé là. Pour vous un jeu de zombies vraiment où tout est complètement recouvert de zombies, un petit peu à la Dying Light, on est clairement dans du post-apocalyptique. À partir du moment où les zombies qui mènent la danse, oui, il faut que la société soit détruite. D'accord. Donc quoi, après Dying Light, le principe de Dying Light, c'est que tout se passe dans une ville. La terre en dehors, tout va fermée. Bien. C'est un lieu fermé. C'est vrai que c'est complètement fermé. Moi, c'est du post-apo. Vous le dites, c'est vrai. C'est une zone qui est fermée, confinée. Moi, le moyen mémotechnique pour se rappeler de ça, c'est dans le post-apu, dans la post-apo, la poste a pu. Il y a plus la poste, il y a plus les autorités comme ça. D'accord, donc à partir du moment où tu ne peux plus recevoir de courrier, pour toi, on est dans un post-apocalypse. Rire et chanson. Tu sais que régulièrement, je ne reçois pas mon courrier. Donc c'est peut-être que je suis dans un monde post-apocalyptique. C'est peut-être. Je connais des bleds dans la Creuse où il y a plus de poste. Hein. Ah merde. Donc il faudrait se méfier si on va dans la Creuse. Peut-être qu'on est dans un endroit où on peut croiser des punks. Non, sinon en film New York 1997, vu que tout se passe sur l'île de, je crois que c'est l'île de Manhattan, absolument, qui a été complètement refaite. Pourquoi ça, c'est du point dans le point bon goût, centralisé sur l'île, mais j'ai un signalé. Point bon goût, bravo pour la citation. Mais c'est vrai que c'est aussi un des films qui a lancé un petit, enfin qui a lancé, qui a participé, qui a été longuement, enfin de nombreuses fois copié de Carpenter au niveau du post-apo un peu confiné comme ça, avec une personne qui doit infiltrer un lieu où il n'y a plus du tout de loi, de police. Il y a eu Banlieue 13 d'ailleurs, hein, très belle copie, magnifique, merci Luc Besson. très très grand film. Il manquait que des putes et des audis. Oui, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de, il y a quand même beaucoup de putes, c'est quasiment dès le début, tu vois que ça quoi. Des audis, je ne sais plus. Mais en tout cas, on est un petit peu vraiment dans la belle prod de Besson. Alors, on parlait un petit peu de zombies justement parce qu'on a tendance à parler de post-apocalyptique uniquement avec des systèmes nucléaires, avec des déserts, etc. Mais justement, on a commencé à effleurer un petit peu ce style de jeu là, mais donc il y a beaucoup de post-apo avec une épidémie. Donc on va commencer un petit peu à parler de ces jeux là. Donc on a commencé à parler de Dying Light justement, qui est comme tu l'as dit Barberousse, un peu confiné. J'avais oublié ce détail là d'ailleurs. C'était un peu une bonne surprise d'ailleurs pour moi, Dying Light, parce que je m'attendais pas du tout à un jeu sympa. J'avais un petit peu peur du côté un petit peu mou de ce que j'avais vu dans les vidéos, et j'étais un petit peu emporté par le jeu. Je croyais que les mécanismes répondaient plutôt bien, ça mélangeait un petit peu le parcours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Dying Light? Il semblerait que t'aies plutôt bien apprécié le jeu. Ah oui, surtout que après ce sont les développeurs de Dead Island qui ont créé Dying Light au bout de 4-5 ans, donc le studio Techland sorti en février 2015 et qui me mêlait, je trouve que c'était un peu l'héritier spirituel entre Dead Island et puis j'ai perdu le nom. Face, une gonzesse qui coule sur les toits d'une ville qui fait du parcours et Mirror's Edge. Ah, bravo. Et surtout, le mélange marche très très bien. D'ailleurs, moi j'avais c'est très fluide, c'est très rapide. Comme tu dis, on est sur, entre guillemets, une suite spirituelle de Dead Island. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est Dead Island, mais réussi? C'est Dead Island avec ce qui lui manquait. Avec une belle vraie finition. Avec une petite touche d'originalité qui fait que ça devient vraiment fun. Ah, et puis le cycle jour-nuit est très très bien géré. Les premières nuits. On flippe vraiment. On flippe vraiment, même pas large. Hein. Heureusement que le mec peut courir, parce que quand on est poursuivi par une des grosses bestioles, ça l'est. C'est ce qui faisait les qualités un petit peu de Mirror's Edge, comme tu l'as souligné, c'est qu'il y a vraiment une belle gestion du corps du personnage. On sent vraiment qu'il y a un poids et que on sent vraiment qu'on gère une vraie personne qui se déplace. Et surtout, il y a une très très belle gestion du aussi, son. C'est un jeu à vraiment jouer au casque. Casque, ouais. Donc si vous avez une belle installation, vous pouvez vous tenter un petit peu Dying Light. Et donc justement, au niveau de l'univers post-apo, qu'est-ce qui t'a marqué dans Dying Light? Est-ce que tu trouves que la gestion justement des décors abandonnés était plutôt bien faite dans ce jeu-là? Évidemment, c'est un décor qui est adapté au jeu lui-même, c'est possible de sauter un peu partout, les éléments sont très visibles, mais le fait que ce soit à la fois resserré sur une ville, ça enclave le tout, et on sait très bien qu'on va avoir une très forte opposition entre l'intérieur et l'extérieur, et ça forcément, par rapport à un monde entier qui est contre toi, ça change tout, on peut se demander quel est l'ennemi, et surtout, moi c'est le parcours et le cycle jour-nuit qui m'ont mis sur le cul. Je m'y attendais pas du tout. Et c'est ce qui est important dans ce type de jeu-là, justement, le post-apo permet de vraiment mettre en avant le côté survie, justement, Dying Light, mais aussi un petit peu en avant le côté crafting, création d'armes, etc. Donc c'est aussi ce qui est important dans le post-apocalyptique, c'est de pouvoir gérer son environnement et pouvoir combattre ses ennemis avec ce qui nous entoure. Ron, t'avais fait un petit peu Dying Light, justement, c'est un jeu que t'as apprécié aussi. C'est un jeu que j'avais testé, alors j'avais bien aimé l'aspect Yamakasi. Alors ça manquait de putes et d'audi pour faire une production Besson, mais il y avait déjà les Yamakasi et c'était déjà ça de prix. Alors moi ça m'avait bien amusé, j'irais pas tellement plus loin, j'avais trouvé l'histoire plutôt astucieuse. Ouais, mais les doublages français c'est encore pire, c'est encore astucieuse en termes de gameplay, puisqu'il y avait cette notion de compte à rebours, qui mettait une certaine pression pour obliger le joueur à avancer, que je trouvais plutôt bien vu. Après, je dois dire que c'est pas un jeu qui m'a laissé un souvenir fantastique non plus. D'accord, c'est pas le jeu que tu ressortirais dans le côté un peu épidémie où l'univers t'avait plu, ou c'est vraiment juste le gameplay qui t'a... Alors, l'univers m'avait plu et je le trouve symptomatique du sujet du jour, c'est-à-dire que le post-apo, c'est Romero qui avait bien compris ça avec les zombies, c'est très pratique. Effectivement. Parce que finalement, l'environnement permet de traiter les thèmes qu'on veut et de la façon qu'on souhaite. Dying Light, c'est avant tout un jeu d'action, quoi. Et c'est loin d'être le cas pour d'autres titres qui pourtant sont sur des logiques de post-apocalyptiques également. D'accord. Pour rester dans le zombie, est-ce que, donc vous me l'avez noté, est-ce que en ce qui concerne un jeu comme The Walking Dead, donc le jeu de Telltale qui a fait exploser Telltale d'ailleurs à l'époque où ils l'ont sorti, est-ce qu'on est là aussi dans un titre qui peut être considéré comme un jeu post-apo? Je vais rester sur... Alors, en tout bien tout honneur, je vais rester sur toi, Ron. Est-ce que tu considères que The Walking Dead est un jeu post-apocalyptique? Là, pour moi, c'est un petit peu plus délicat, je trouve, dans ce... Plus ouais, dans ce type de jeu. Moi, je trouve que c'est à 200% post-apocalyptique. Complètement d'accord avec toi. Parce que là, pour le coup, on peut difficilement faire plus fin du monde et ce qui reste avec les quelques survivants et comment est-ce qu'ils se reconstruisent. Et Walking Dead, moi, j'adore ces deux jeux parce que c'est des jeux qui justement utilisent leur environnement et la situation pour traiter de thématiques assez fines. Ce qui contrebalance d'ailleurs un gameplay très pauvre par ailleurs, c'est presque plus des films, les Walking Dead. Ça parle de paternité, ça parle de responsabilité, ça parle de respect. On utilise vraiment l'environnement pour développer du coup un certain nombre d'événements, pour développer de l'émotion et le fait que ce soit... C'est réellement la fin du monde, quoi. Donc, ce qui est la définition même de l'apocalypse. Donc, je trouve que c'est à 200% dedans. T'es d'accord avec lui, donc. Mais complètement. T'es sur les ruines de l'humanité et de ses valeurs morales. T'as des choix à faire, des choix mais horribles. T'as des enfants que tu dois protéger et qui sont le symbole de l'espoir qui est en train de se perdre. Enfin, c'est pour moi, Walking Dead, c'est à mettre dans le podium si on devait faire un podium des jeux post-apo. Clairement. Pour toi, on est vraiment dans le chef-d'œuvre quasiment du jeu post-apo. Donc pour toi, il y a pas photo, on est dans le post-apocalyptique. C'est clair parce que en plus de ce que disait Ron, c'est vrai que c'est un film, mais un film interactif dans lequel tu fais les choix les plus dégueulasses. Donc ouais. Tu les on prends dans la gueule. Bon, c'est une évolution du point and click. Hein, de toute façon, tout ce que fait Telltale maintenant. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas peut-être le meilleur représentant du style Telltale parce que là, justement, comme tu le disais, Ron, il y a des choix à faire, ou même toi aussi, Matt, il y a des choix à faire, et c'est souvent avec un temps limité, chose que parfois ils ont refait dans certains jeux. Est-ce que c'est pas du coup l'univers le plus adapté pour avoir des choix rapides à faire et nous imposer justement ce type de choix basé sur le temps? Ça marche aussi dans d'autres jeux qu'ils ont développés. Je pense à Tales of Borderlands qui fonctionne bien également, malgré une thématique qui n'a rien à voir et pas du tout les mêmes enjeux, quoi. Voilà, c'est un type de pression là, ce temps limité, comme le dit Matt, ces choix absolument dégueulasses qu'on a à faire, où on se dit tiens, on a choix entre Carib et Scylla, quoi. On n'en sort pas intact finalement. Ce jeu, c'est horrible. Moi, j'avais commencé le premier épisode et malheureusement, ça fait encore partie des jeux que je n'ai pas terminé. Et ça, c'est un petit peu. En amateur en tant que fantastique, ouais, tu exagères. Il faut quand même vraiment que tu les fasses. Je mérite des baffes dans la gueule, ça c'est clair. Ah, autre jeu que je n'ai pas fini. On va rester encore sur les infectés. The Last of Us. Clairement, on est d'ailleurs dans tout le jeu. On a entre guillemets, avec l'intro, on a l'évolution justement du côté civilisation et basculement vers l'horreur et vers justement la fin de cette civilisation. C'est un jeu que tu as fait toi aussi, Ron. Je vais rester encore une fois avec toi, Ron. T'inquiète pas, Matt, après je te laisserai la parole sur d'autres jeux. Hein. Tu avais fait... Non, tu n'as pas de console, toi, Matt, excuse-moi. Ron, vas-y, parle-nous de The Last of Us. Ouais, The Last of Us, c'est un jeu qui est extrêmement bien fait, que j'ai beaucoup aimé, qui a un niveau de narration qui est très élevé. Quand j'ai voulu refaire le jeu, par contre, je dois dire que j'ai un petit peu moins apprécié, ce qui fait que j'arrive pas à le mettre au même niveau qu'un Walking Dead, parce que The Last of Us, entre guillemets, c'est trop propre, quoi. L'ensemble des décors qu'on traverse est ultra classique dans le type environnement un peu abandonné. On va parler de tas d'autres jeux pendant cette émission qui ont beaucoup plus de caractère au niveau de leurs environnements. Mais cela étant, ça reste une excellente expérience avec une très jolie histoire à nouveau. Donc The Last of Us, ça vaut quand même bien le coup. Est-ce que pour toi, le côté visuel va pas plus dans le classique parce qu'on tend plus vers le réalisme, entre guillemets? L'un n'empêche pas l'autre. Je trouve que c'est pas une excuse. Dans Walking Dead, on est aussi dans le réaliste et pourtant on a des graphismes en cel shading. Ça n'empêche pas. dans The Last of Us, il y a des choix qui sont faits avec des... J'ai l'impression que c'est un petit peu l'image d'Épinal, c'est ce qu'on s'imaginait être un monde apocalyptique, ils l'ont mis. Alors, pour la majorité du public qui est peut-être pas familiarisé avec ce style, je pense que ça fonctionne très très bien. Quand on est un bouffeur de films, comme j'en avais cité, là, de films italiens... Ah oui, là, c'est un peu bariolé, ouais. je dois dire que j'ai l'impression de voir quelque chose de très banal, et c'est encore pire dans les intérieurs où là, c'est même un petit peu faible. Alors, c'est un peu dommage, parce que là, finalement, je suis en train de me rendre compte que je parle beaucoup de ce qui n'est pas très bien dans le jeu, alors que par ailleurs, il y a des trucs absolument la musique, par exemple, quoi, là, que DJ Barbe a mis derrière. D'ailleurs, grâce à lui, hein, on peut mettre de la musique en temps réel dans l'émission. This is the rhythm. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, bravo à Corona, qui a fait une superbe bande-son pour The Last of Us. Alors d'ailleurs, je parle de Barbe, et il semblerait qu'il ait fait une infidélité à son PC pour jouer à The Last of Us. Qu'est-ce que tu aurais à raconter sur ce, pour moi, ce superbe jeu? Alors j'ai déjà une petite chose à ajouter par rapport à tous les jeux qu'on a déjà cités avant. La chose intéressante au niveau vidéoludique d'un monde post-apocalyptique, c'est qu'on va plonger le joueur dans un monde connu, avec des éléments connus. Ça va être des voitures, des maisons, une boîte à outils, etc. Et on va le mettre face à l'inconnu. Surtout, il va devoir utiliser ses connaissances Bourdon, à lui. C'est pas le gros. Pour pouvoir s'en sortir, il va réutiliser des objets du quotidien pour essayer de bricoler quelque chose, comme on peut l'avoir dans Dead Island, dans Dying Light, etc., pour crafter et se rendre plus fort par rapport à l'inconnu. Mais surtout, une chose que je trouve très intéressante, c'est que même devenu plus fort par son intelligence ou sa force, il est toujours opposé à quelque chose de beaucoup plus fort que lui. Il sera jamais badass, jamais au top. Et comme ça, tu as une dynamique à chaque fois d'échec réussite, de mise en avant et de mise en danger en permanence. Chose que tu n'as pas forcément tout le temps dans d'autres jeux, pas post-apo justement. Ou justement, t'en as plutôt tendance à te donner des gros guns et à te faire sentir puissant. Et généralement, dans des jeux post-apo, même dans des films d'ailleurs, généralement post-apo, c'est que tu redécouvres effectivement un monde. C'est pour ça qu'on est souvent dans la peau d'une personne qui redécouvre un univers qu'il ne maîtrise pas. Et justement, on est confronté à des horreurs, donc on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, comme tu le dis d'ailleurs, c'était souvent dans Dying Light où tu as tendance à prendre au début une barre de fer assez simple. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à la maîtriser, à l'augmenter, à maîtriser ton environnement. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. C'est pour ça que le post-apo est régulièrement utilisé pour faire des jeux de survie, des jeux où on va être confronté à vraiment plein de choses absolument abominables. D'ailleurs, Zombie U utilise un petit peu ce système-là, où on avait tendance à reprendre l'univers et à progresser au fur et à mesure. Mais effectivement, c'est très intéressant. Une très bonne intervention, j'ai envie de dire, de Monsieur Pessy. Sinon, pour revenir à The Last of Us, oui, j'y ai joué sur PS3. Désolé, ça arrive. C'est tout ça. Je suis sorti régulièrement du jeu en jouant. C'est ça qui est assez terrible. C'est à cause du gameplay en lui-même. J'ai eu l'impression d'avoir des superpositions de couches de gameplay. Je vais avoir une séquence infiltration, ensuite suivie d'une séquence pam pam boum boum, suivie d'une séquence dans l'eau, où il va falloir trouver une palette pour faire marcher, pour faire avancer Ellie qui ne sait pas nager. Chose qu'on ressent même parfois dans la mise en place des niveaux, où on sent que le niveau a été pensé pour faire une séquence d'infiltration. Et c'est peut-être là où vous voulez en venir, Ron, tout à l'heure, c'est qu'on a des fois l'impression que les décors sont pas forcément si naturels que ça. Donc, C'est ça. Tu vois, il y a un moment, c'était complètement flagrant. Je suis arrivé dans une espèce de place. Il y avait plein de vieilles carcasses de climatiseurs partout. Je me suis dit, OK, faut que je sorte le flingue. Voilà, c'est tout. J'ai eu la même sensation sur The Order où c'est ce qui effectivement te sort parfois de certaines expériences qui se veulent un petit peu immersives, c'est que automatiquement on te met dans une ambiance un peu cinématographique et d'un seul coup tac, le côté jeu vidéo reprend le dessus mais pas de manière très subtile. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Effectivement le problème de The Last of Us, c'est que des fois tu es pris dans une séquence et d'un seul coup tu es confronté à la réalité du jeu vidéo, ce qui fait que du coup tu joues et tu attends la prochaine couche pour te replonger. Voilà, effectivement. Mais c'est vrai que l'univers en lui-même à la fois est post-apo dans le sens de civilisation détruite, mais reste vivant. C'est très vert, il y a des séquences dans la neige, dans des villes, la nature a repris son droit. Il y a très très très très beaux moments par un passage. Je dirais pas lesquels, ça va être du spoil. C'est souvent des passages narratifs quand même. Narratifs, c'est jamais du gameplay. Mais... il y a encore ce problème à la fois entre on veut raconter une histoire et on veut faire un jeu. Il y a ce problème. C'est ça qui est dommage pour eux. Ça fait pas un grand jeu. Il faut vraiment qu'ils pensent sur certains titres à réfléchir leur gameplay, leur niveau par rapport à ce qu'ils veulent raconter. C'est vrai que du coup ça brise un petit peu le rythme. Je suis un petit peu d'accord avec vous, effectivement. C'est un peu le problème de The Last of Us, qui par contre effectivement est bien écrit, il y a de beaux personnages, de beaux moments, et une bande son, encore une fois. Alors je veux pas me lancer dans le nom du compositeur, mais c'est une bande son absolument magnifique. Alors si on reste un petit peu, après on va changer un petit peu de registre de post-apo, mais c'était particulièrement intéressant. Au niveau épidémie, il y a quand même des très grands jeux qui sont sortis aussi, notamment donc on a du Deus Ex par exemple, avec des épidémies. On a Dishonored aussi, qui est un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps, de chez Arkane, qui a aussi un univers post-apocalyptique. Alors on est aussi sur du... Alors, je retrouve plus forcément le nom de ce thème-là, le... mince. Steampunk. Voilà, exactement. Donc, est-ce que quelqu'un veut parler de ce titre-là? Est-ce qu'il y a... C'est un jeu qui a marqué quelqu'un par ici Ah, moi, ça m'a marqué, mais Matt, peut-être. Matt, tu avais joué à Dishonored? J'ai pas compris. Dishonored. Non, Dishonored, non. Malheureusement, j'ai fait que la première heure pour l'instant. Je suis pas encore entré. D'accord. Dedans. Est-ce que... Le mariage. Ouais, c'est... Ouais, bah du coup t'as un petit peu moins de temps. Du coup faut que tu t'occupes de madame quand même de temps en temps et que tu arrêtes de jouer à la console. Hein. Non mais j'ai prévu de m'y remettre. Mais non, puis après le mariage on rentre plus facilement. Ah oulala, oulala. Mon dieu. Barbarous, vas-y. Bah, le problème de Dishonored, c'est que je sais pas trop si on pouvait le mettre dans vraiment du post-po ou dans du steampunk. Ouais, ça j'ai hésité. Le principe même de l'univers, c'est on va dire une ville londonienne qui ressemble un peu à cette architecture-là, et elle est complètement attaquée par une sorte de peste, et personne ne sait comment guérir cette peste. Et donc l'organisation sociale est complètement changée. Il y a évidemment des quartiers riches où tout le monde va bien et des quartiers pauvres où c'est un peu la catastrophe. On va se retrouver en sorte de super-héros mystique qui va pouvoir se téléporter pour buter tout le monde et sauver ce qui reste. Un petit peu délicat quand même dans le côté post-apo, je trouve. Je sais pas si je peux valider ce choix, Barbarousse. Bah, j'avais un doute justement, ouais. Post-apo ou pas. Ouais, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais on est plus là-dedans. Par contre, là, c'est plus du tout mon registre. Je n'y ai pas touché. Et il y a une montagne de jeux qui se veulent des MMO de survie comme on dit Daisy ou DayZ. DayZ. Il y a HZ1 aussi qui a été annoncé en grande pompe par Sony à l'époque. Est-ce qu'il y a dans ces jeux-là justement quelque chose à retirer, parce que je sais que DayZ a beaucoup d'adeptes. Est-ce que c'est un jeu que vous avez tenté, Matt? Je te redemande aussi quand même. Est-ce que tu as joué à des non, pas encore. Barbarousse. Reste ta Project Zomboid. Ouais. C'est le cas de le dire, une invasion ouais. De jeux open world, toujours pour toutes les raisons qu'on a données. C'est un monde ouvert, c'est cassé de partout, il y a des mécaniques de gameplay automatiques qui s'enclenchent là-dedans, il y a forcément du conflit, il y a de la survie, voilà, ça fait des jeux entre guillemets faciles à faire. Ouais, parce que le zombie, j'ai pas vraiment joué. D'ailleurs, est-ce que dans le peu que tu as joué, ce qui peut être intéressant, justement, dans DayZ ou H1Z1, c'est justement le côté communautaire. Est-ce qu'on ressent le côté post-apo dans le côté survie, entraide, même je pense qu'on peut peut-être faire un petit peu son côté, sa loi, je pense, sa propre loi dans ce type de jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui marche bien? Le côté coup de pute, hein. Parce que c'est ce qui ressort dans beaucoup de systèmes d'univers post-apo, c'est qu'on a vraiment le côté très très méchant, les personnes qui veulent absolument tout bousiller, mettre son petit groupe de survivants et détrousser le moindre petit agneau qui se balade, et les personnes qui vont peut-être essayer de s'entraider, de faire des trucs assez cool. Donc est-ce que c'est plutôt bien construit? Est-ce qu'on ressent vraiment le côté post-apo cette fois? Parce que c'est typiquement le genre de jeu qui te permet de faire un vrai univers post-apocalyptique pour le coup. C'est le type de jeu qui ressort le côté gros bâtard qu'il y a en soi. Exactement. Oh, viens par ici, viens, ah hop, je t'ai tué, voilà, je pique tout ce que tu as pris. Je suis innocent, ah, viens m'aider, regarde, il y a quatre potes derrière moi qui sont là, bah ah, donc, exactement. Voilà, donc, du coup, le côté vilain de l'homme est un loup pour l'homme, on ne le dira jamais. C'est la survie, hein, c'est la survie. Mais après, j'y ai pas assez joué pour vous dire exactement ce que d'accord, c'est. Très bien. Malheureusement. Je pense qu'on va laisser de côté un petit peu les zombies, hein. On avait noté quelques petits jeux. Bon, Left 4 Dead, pour le côté un petit peu coopération et monde assiégé par les zombies. Donc là, le jeu de survie multijoueur, hein. Et on va passer un petit peu, ça permettra un petit peu à Matt de parler, au post-apo extraterrestre. Alors, qu'est-ce que la particularité du post-apo extraterrestre? Ben, on remplace les zombies par des extraterrestres. Et donc du coup, vous avez une invasion, des gens qui débarquent, généralement qui disent « je viens en paix », finalement ils foutent le gros bordel, ils veulent essayer de nous bouffer pour récupérer nos ressources et se barrer aussi sec. Et donc on avait des jeux comme Half-Life 2, Matt. Bah, Half-Life 2, le mythe, quoi, le jeu qui est sorti en 2004 et qui a amené avec lui Steam, Je sais pas si vous voyez ce que c'est, les joueurs console. Bon, c'était un truc un peu chiant à la base qui t'obligeait à avoir une connexion internet obligatoire pour jouer au jeu, chose que vous n'avez pas connue sur que tout le monde critiquait à l'époque. Ah mon dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quand même honteux. Voilà, bon, bref, effectivement, c'est... depuis Steam a changé. Effectivement. A changé le monde. Mais effectivement, donc, dans Half-Life 2, on se retrouve avec une organisation qui s'appelle le Cartel, et qui ne joue pas de mandoline. Non, là, on est dans une organisation extraterrestre super puissante, qui va prendre en fait le contrôle de la Terre, dans ce qu'on a appelé en fait après la guerre des 7 heures. Donc c'est pour vous dire à quel point on a été brillant niveau ligne Maginot, tu vois. Donc les humains sont regroupés en fait et opprimés dans des espèces de camps gardés par la protection civile. C'est des soldats transhumains. L'histoire me dit pas s'ils ont à la fois le couscous et les boulettes, comme on dit chez moi. Finesse quand tu nous tiens. Oh merde. Mais voilà, c'est la merde, et donc tu joues Xavier Niel, le Freeman. Oh merde, trop d'un coup. Tu dois conduire les peuples vers la liberté. C'est trop d'un coup. Rire et chanson. Ah, et moi, il faudrait un jingle, tiens. Jingle, j'ai rire et chanson. Non, Barberousse, calme-toi. J'en ai plein de jingles, si tu veux. Ah, d'accord. Mais donc ouais, Half-Life 2, bah c'est assez scénarisé au début. Tu te sens vraiment comme le messie, le mec qui va... amener et développer la résistance humaine face aux extraterrestres. C'est une sorte d'apocalypse. Je sais pas si vous l'avez fait. Eh bien non. J'ai pas ressenti l'aspect apocalypse en fait dans Half-Life 2. Mais maintenant que tu le dis, ça me semble finalement assez évident. Mais j'y avais pas pensé dans la sélection. J'ai plus vu ça comme de la SF quoi. C'est intéressant ça. Barberousse, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce qu'on met Half-Life 2 dans le post-apo? Débat clash. C'est du post-apo science-fiction. La Terre est envahie, vous êtes le Freeman. La seule personne, vraiment le leader charismatique qui a failli arrêter l'invasion dans Half-Life 1. Qui tout vient bien sûr commencer dans un laboratoire de Black Mesa au fin fond du Nouveau-Mexique. Mais c'est à la fois aussi un post-apo technologique, vu que tout vient de cette technologie des portails qu'on a essayé de développer dans le premier. C'est de science-fiction. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport aux zombies, c'est autant le zombie, bon bah ils détruisent la Terre et ça part complètement en vrille, mais du coup il y a pas grand-chose qui vont se faire plus et on est obligé de survivre et de les déglinguer pour pouvoir avancer. Autant là sur un univers de science-fiction, cette fois vous avez donc une entité qui débarque, une entité intelligente et cette fois qui va modifier l'univers à son image. C'est-à-dire que là c'est du coup il y a beaucoup plus de possibilités, je sais pas ce que vous en pensez au niveau de l'histoire. Ouais, alors je crois qu'on n'est pas tout à fait du coup sur le même créneau. Effectivement, ça fait plus de possibilités, mais le fait que l'ennemi soit intelligent fait qu'il est nommé avec les zombies. Les ennemis, c'est plus les hommes que les zombies. Les zombies, c'est une composante. Oui, exactement. Dans le post-apo science-fictionnesque, pour le coup, l'ennemi, il est clairement nommé, ce sont les extraterrestres. Et ça te pose problème? Ça me pose pas du tout problème, c'est juste une question que c'est pas la même thématique. Tu veux te battre? Tu veux qu'on envie nos mains, gros malin? Bienvenue dans le couloir de la baston. Ah ouais, c'est pas pareil? Moi, ça ah me ouais fait chier ce que tu dis, ok? Je suis d'accord, mais ça me fait chier quand même. Et donc, mais du coup, qu'est-ce qui fait que on puisse mettre ce jeu dans la catégorie post-apo? Est-ce que au niveau de l'univers, on sent une... Mais les gens ne reçoivent plus leur courrier, je ne sais pas ça, ce qu'ils te font. J'ai complètement omis cette caractéristique principale, donc je pense que les extraterrestres vont carrément aller jusqu'à couper la poste. Ils sont méchants comme ça, quoi. Mais attends, c'est des esprits supérieurs. Ils ont pas besoin de courrier. Ça a déjà commencé, ils ont déjà commencé à envers Chronopost. La preuve, ils vont même plus sonner jusque chez vous. Ils ont juste des avis de passage. Ah putain, mais c'est vrai. Qu'au début. Les mails recommandés. Oh merde, on en est là et on s'en rend même pas compte. On est quand même des sacrés cons. Réveillons-nous, réveillez-vous. La signature électronique, c'est eux aussi. Podcast. Si jamais tu reçois que des avis de passage, c'est que ton quartier est un post-apo. Tu es complètement bloqué, tu es foutu. On va lancer un numéro vert pour pouvoir te rassurer. Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir t'en sortir, camarade. Numéro vert, tu vois, c'est encore les extraterrestres. Ah merde, je vais finir par être démasqué. Je fais partie du complot. Très bien, Half-Life 2, donc très grand jeu, donc dans l'univers post-apocalyptique extraterrestre. Alors plus dans le bourrin, plus dans l'univers qui tombe et on va dire plus comics et badass, Gears of War Rhône. Gears of War, c'est du post-apo extraterrestre avec des gros locus dégueulasses. Je suis en train d'y rejouer là actuellement avec sur Xbox One. Très très bon. Avec toujours carrément et avec toujours beaucoup de plaisir. Et il aura fallu qu'on fasse ce sujet pour que je réalise que c'est un jeu où en fait il n'existe plus que deux choses sur la surface de la Terre. Des extraterrestres dégueulasses qui veulent tout dégommer et des mecs qui font au moins 140 kilos de muscles et qui sont capables de soulever des pétoires grosses comme la Tour Eiffel. Mais les gens normaux, bah non, c'est y en a plus. Uniquement sous stéroïdes. Ouais. Hein, c'est ça, c'est pique-toi ou crève, quoi. Je sais pas comment ça a été fait, mais le Gears of War, il est intéressant, notamment à cause de son identité visuelle de destruction, où là, pour le coup, de la ville détruite, on en a à foison, et notamment beaucoup d'utilisation de ce qu'on devine être des lieux importants des différentes villes, avec des statues, des fontaines, ce genre de choses, ce qui renforce vraiment bien l'impression de désolation qu'il y a dans ce jeu, par ailleurs assez caricatural, il faut bien le reconnaître. Oh, gros mumuscle, je suis désolé. Gros mumuscle. Mais après, il y a beaucoup de second degré. Mais oui, ils le font exprès. D'ailleurs, c'est assez drôle. Dans les cinématiques, ils tiennent pas en place. Ils passent d'un pied sur l'autre, là, comme s'ils avaient besoin de t'en décocher une. Bah, ils ont envie de pisser, parce que ça va pas être évident de retirer tout ce costume, quand même. Bah, c'est clair. Je savais que ça te plairait, un jeu avec autant de testostérone. Oh, c'est très cool. Ah, non. Putain. Plus vraiment que je les sorte, mais c'est beau, c'est possible. on va finir par t'en mettre un à chaque fois. Mais moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, Gears of War, et comme toi, je redécouvre le jeu via le remake, et autant le multijoueur est toujours aussi cool, autant justement le mode histoire, comme on l'a dit, alors est très badass, très appuyé, mais c'est volontaire, c'est complètement du second degré, c'est vraiment le film d'action américain avec des gros monstres dégueulasses. Et d'ailleurs, j'ai trouvé quelques similitudes, avec Edge of Tomorrow, le film avec Tom Cruise. Je trouvais que le film avait pas mal de points communs avec le jeu Gears of War. Je sais pas si vous avez vu Edge of Tomorrow. Au ça niveau rien des à voir, visuels, mais, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Je trouve que ça a pas mal d'air avec Gears, autant même certains monstres, etc. Le côté costume avec les armures, il y a le côté jeu vidéo aussi avec le fait de revenir continuellement et d'apprendre au fur et à mesure tes pouvoirs, etc. C'était plutôt cool. Donc la parenthèse est fermée. Et donc Gears of War, voilà, donc le post-apo clairement, et d'ailleurs on l'a pas signalé, mais effectivement des choses importantes dans les films et dans les jeux post-apocalyptiques, c'est que généralement on est confronté, on voit un petit peu des univers qu'on avait l'habitude de voir, justement comme dans The Last of Us, il y a des bâtiments très très connus qui sont complètement détruits, et c'est aussi un passage important, je sais pas ce que vous en pensez, dans le post-apocalyptique, c'est de retrouver des éléments de décor qu'on peut reconnaître très facilement et complètement transformés. De retrouver des éléments familiers qui te permettent de se situer dans un monde, parce que par définition, post-apocalyptique, le monde est complètement dévasté, ça te permet de te situer dans un monde inconnu, de prendre des bases et puis de te rendre compte de tout ce qui a changé. Roland Emmerich, il aime bien faire ça. C'est un peu une repompée du plan final de la planète des singes, qui date des années 60. Quoi. Et cette idée qui a été reprise je ne sais pas combien de milliers de fois par la suite. Quoi. Et il n'y a pas eu de jeu Planète des Singes, parce que j'y ai pensé pendant la préparation du podcast, mais j'ai pas vérifié, bien sûr, parce que je fais mon travail de journalisme de 2.0. Moi, j'allais vérifier, puis je me suis dit, Creepers va le faire, c'est sûr. Le salaud, il balance. Donc, je ne sais pas s'il y a des jeux Planète des Singes. Malheureusement. Il y en a eu, d'accord. Ah, et il était pas bien. Canicule 6 sur 10 sur GameCube. Non, ça me fait penser C'est peut-être pas non plus le top du top, quoi. Mais ça a l'air vraiment très moche. D'accord, très bien. Donc n'allez pas jouer à la planète des singes, mais en tout cas ça existe, et donc un post-apo avec des hommes singes, et ça c'est toujours la classe. Alors concernant donc les jeux post-apo avec des extraterrestres, est-ce qu'il y a d'autres titres en exemple qui vous viendraient? Moi j'avais noté Résistance, alors là qui est plus justement dans l'humanité détruite par des monstres qui veulent... Donc là on est dans le FPS bourrin, on avait dit qu'on n'en parlerait pas du tout, mais on est vraiment dans le gros FPS qui se tâche avec des aliens et un monde assiégé. Alors c'est plus on avance dans la trilogie d'ailleurs, plus le monde est défoncé et plus on a des pouvoirs. De toute façon, on est de plus en plus fort dans les jeux vidéo. Et donc, c'était un jeu qui était plutôt sympa. D'ailleurs, les trois jeux sont plutôt au niveau du post-apo. On était dans c'était un des premiers jeux de la PS3, d'ailleurs, le premier Résistance. Et on est à l'époque, encore une fois, où les héros étaient chauves et sans charisme. Oui, donc, c'est ça. Ouais, le charisme qu'a peut-être justement Gears of War, effectivement. Ah non. Le deuxième Résistance c'était un peu meilleur. Même le 3 était sympa. Le 3 m'avait pas trop plu, mais le 2, j'en avais un bon souvenir. Et l'univers était plutôt bien installé, je trouvais qu'il y avait une installation au niveau de l'histoire qui était plutôt cool, donc ça cassait pas non plus des pattes à l'animal que vous voulez. J'ai trouvé assez plat le Résistance. D'accord. Tout et tout ça pour ça. Oui. Merci Barberousse, impeccable, très très bien coordonné, c'est absolument magnifique. Alors j'ai envie de passer à un petit thème plus ciblé justement. On va parler justement du post-apo. Alors, chaque fois, j'oublie le nom de cette catégorie. Localisé. Et ça permettra de parler d'un jeu qui me semble important parce que c'est peut-être un des rares à réussir à rassembler ce qui fait la particularité des très bons post-apo. C'est-à-dire de remettre en question vraiment la civilisation qu'on a, et de remettre en cause les problèmes que nous avons dans cette civilisation. Et c'est Spec Ops The Line. Donc, je vais redonner la parole, à Barbarous. Ah oui, Spec Ops The Line, le jeu de l'amour. Voilà, le jeu de l'amour, c'est un jeu qui a retourné la plupart des personnes qui y ont joué. Et alors, je vais d'ailleurs donner mon avis vite fait et pourquoi il me semble important, parce que comme je l'ai dit, c'est donc le post-apo permet de remettre en question des choses acquises et qui ont amené à la destruction de l'humanité. Alors parle-nous un petit peu de Spec Ops The Line. Spec Ops The Line, sorti en juin 2012 du studio Jaeger. Alors, pour situer un petit peu tout ça, on est dans les années 2010, toute l'action se passe à Dubaï, qui est complètement dévastée suite à une catastrophe climatique, qui a en gros engendré une énorme tempête de sable qui a recouvert toute la ville, et on va jouer un groupe de trois bidas, qui est là pour retrouver un détachement américain sur place qui était venu pour filer un petit coup de main. Et ça va être un peu, entre guillemets, le Apocalypse Now du jeu vidéo. Absolument. Alors, au niveau gameplay, c'est du third person shooter. C'est assez basique, c'est pas non plus révolutionnaire, il y a quelques bonnes idées. Et toute la qualité du titre vient de sa narration et de ce qu'il raconte. À la fois, c'est à la fois subtil, extrêmement bien distillé au fur et à mesure de l'aventure. Pour prendre un petit peu de temps, au bout de 2-3 heures, ça commence à s'installer et on a vraiment toutes ces personnes dans cet univers complètement dévasté qui vont se retrouver face aux survivants, face à eux-mêmes, et c'est juste fou. Et les passages tendus. Hein, très tendus, il y a des choix qui sont vraiment pas évidents, il y a vraiment des choix, et on peut faire des choix qui ne viennent pas tout de suite à l'esprit, qui pourtant sont des bons choix, qu'on ne ferait pas dans d'autres FPS ou TPS. Là, c'est très très très fort. C'est de très... Alors, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans Spec Ops The Line? Vraiment, si tu devais le conseiller, par exemple, si on le trouve à que dalle hein, maintenant, Spec Ops The Line, vraiment, c'est un jeu qu'il faut faire, qui est encore assez joli à regarder et qui est très efficace dans le gameplay, mais qu'est-ce qui vraiment te fait mettre ce jeu au panthéon? Il y a quelques moments, mais le problème, c'est que les décrire, ça serait du spoil. Un spoil, c'est ouais. Ça le gros problème. La fin. La fin est très très importante. Il y a, on peut même pas les dire. On se retrouve à un choix forcé et ce choix-là, il va nous mettre face à nos responsabilités. On a légèrement conscience de ce qui va se passer, mais on n'a pas encore conscience de l'horreur que tout va engendrer ensuite. C'est assez terrible. Je peux pas spoiler, c'est compliqué. Voilà, j'allais dire sans spoiler, au niveau de la portée, peut-être plutôt au niveau de peut-être une portée politique ou un vrai fond. Est-ce que c'est pas un des rares justement jeux dans tout ce qu'on a dit pour l'instant à proposer vraiment quelque chose à l'intérieur, vraiment à décrire quelque chose et à oser, enfin entre guillemets oser. Attention, hein, parce que c'est pas non plus. Mais est-ce que c'est pas un des rares jeux post-apo à se permettre justement de lancer des choses par rapport à son univers, par rapport à l'évolution de notre monde à nous. Je sais pas si je suis clair dans ce que je raconte. Moi, je dirais pas le seul quand même. Hein. Tu nous en parleras d'ailleurs juste après. Ça peut être intéressant. Donc, est-ce que pour toi, c'est un des rares jeux qu'on a annoncé pour l'instant qui a un véritable fond? Voilà, peut-être que c'est plus logique dans ce que. Il a un fond, il est pas vraiment apparent et c'est surtout montrer la déchéance de quelqu'un qui pourtant est bien badass. Hein, c'est le bon militaire américain, cheveux courts, cheveux bruns, chef de son groupe avec un black et un irlandais. Tout stéréotypé, et au bout de quelques heures, tout va partir en couille. Tout va leur passer entre les mains, et c'est voir l'évolution de ces personnages, comment ils vont s'en sortir, la chaîne de commandement qui part en sucette, tous les choix que tu vas faire, c'est vraiment très compliqué, mais ça attaque quelque chose de plus psychologique qu'on peut croire. Ron, tu voulais intervenir? En fait, je voulais intervenir surtout par rapport à ce que tu disais. Je crois pas, dans les jeux qu'on a nommés, c'est pas le seul qui est un fond. Dans Walking Dead, on en a aussi, et je pense qu'on va parler d'autres qui en ont, même si c'est le seul sur son créneau. Et ce qui est très très étonnant dans ce jeu, c'est que c'est un jeu qui fondamentalement prend les mécanismes et parle de la guerre, mais en jeu vidéo, on la glorifie la guerre quand on la montre. Et je sais pas si je trouve un autre exemple de jeu qui finalement escroque un peu le joueur, quoi. C'est vendu comme un jeu d'action, et c'est le cas, c'en est un. Mais en même temps, il y a un peu une mise en abîme du joueur également. C'est malin. C'est-à-dire que ce jeu-là te dit, t'es fort, t'es balèze, tu vas aller au bout, mais tout ce que tu vas faire, tu vas le payer à un moment ou à un autre. C'est ça, et c'est de mettre quelques petites réalités qui font pas de mal aussi, obliger à réaliser ce qu'on est en train de faire. Donc ça va un petit peu au-delà du jeu. Moi, il m'avait beaucoup marqué ce jeu parce que je l'avais joué en deux fois. Une première fois dans le cadre d'une démo et j'avais trouvé ça pas terrible. J'y avais joué 20 minutes. Et le passage avec l'hélico, tout ça au début, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que c'est un jeu qui se fait dans la longueur. C'est pas un jeu auquel on va jouer pour faire pom pom boum boum. Il faut comprendre l'histoire, il faut l'avancer. J'ai joué des années après en reprenant le DVD là sur ma bonne vieille Xbox au prix où ils étaient. Je fais allez, là, je l'achète et puis finalement j'ai trouvé ça assez génial. Donc oui, ça vaut le coup et ça vaut toujours le coup aujourd'hui. Il faut le faire ce jeu. T'avais parcouru un petit jeu ou pas du tout? Pas du tout, par contre. T'as joué un jeu ou pas là? Parce que t'es un peu relou. Hearthstone, mais c'est pas pour ça. Hein ah, c'est vrai qu'il joue à Hearthstone. Non, mais Matt. Il est dans mon backlog Steam. Les fameuses soldes à 2€ de jeux où tu voilà, ne jouais pas. Ça. Voilà, très bien. Concernant les jeux post-apo localisés, il y a un jeu que je ne connais pas du tout, mais que je vais bientôt parcourir, parce qu'il va sortir sur PlayStation 4. C'est This War of Mine. J'ai entendu beaucoup de choses de ce jeu, Barberousse. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Alors, 11-bit Studio, sorti en novembre 2014. Pour vous présenter un petit peu le jeu, imaginez juste vous en plein milieu de Sarajevo, pendant la guerre dans les années 90. Voilà, vous y êtes. Sympa. Sympa, donc en gros, monde détruit, on est le lendemain de l'attaque, et on va jouer un groupe de survivants, tout se passe en vue de côté, et vous allez devoir gérer votre abri, gérer vos ressources, sortir la nuit, parce que le jour il y a des snipers et c'est dangereux, et bah, essayer de récupérer ce qui reste pour vous faire à manger, et il va falloir faire des choix. Est-ce que vous laissez rentrer quelqu'un dans l'abri, quitte parce qu'il bouffe plusieurs sources, mais il va tomber rapidement malade, est-ce qu'on va l'aider quand même, est-ce qu'il va mourir, est-ce que vous allez pouvoir entretenir le moral pour tenir jusqu'à la fin de la guerre, s'il y a une fin. Est-ce que vous allez vraiment piller dans une maison à côté, parce qu'il y a plein de bouffe, et il y a deux petits vieux dans cette maison qui vous attendent, non, laissez-nous partir, prenez ce que vous voulez. Vous allez piller un jour, et puis vous revenez le lendemain, ils se sont fait buter, et plus personne, alors que si vous n'étiez pas venu, ils seraient encore là. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a quelqu'un qui est en train de se faire attaquer pendant que vous êtes en train de piller quelque part. Vous l'aidez? Vous l'aidez pas? Vraiment dans le jeu de survie. La survie, c'est la siège, c'est l'horreur, mais l'horreur au jour le jour. Comment vous gérez la fatigue? Comment vous gérez le moral? Toutes les attaques qu'il peut y avoir. C'est très dur. Et donc ça, c'est de l'humain. C'est de l'humain. C'est pas du zombie. C'est du soldat. C'est voilà. C'est un siège, donc c'est l'armée ou c'est maman est malade, est-ce que vous avez des remèdes? On est un petit peu dans le type de choix, là, comment il s'appelle le jeu où on est au douanier, là, merde, j'ai un trou de mémoire. Papers, Please. On est un petit peu dans ce type, un peu plus poussé peut-être, mais c'est dans le type de choix et de, on t'implique émotionnellement sur des trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai entre guillemets créé cette catégorie du post-apo localisé, c'est surtout pour placer ce type de jeu-là, qui est juste formidable. C'est que le... Vraiment, dans la gestion de l'abri, c'est assez poussé quand même? C'est assez poussé dans le sens où tu as des ressources très limitées, donc tu feras des choix. Si tu fais un certain choix, tu as une chance de survivre plus longtemps. Un autre choix, tu vas avoir des mecs malades. Mec malade, il peut pas travailler, il faut me les faire se reposer. Ça entraîne énormément de choses. Alors après, au bout d'un moment, la logique de jeu vidéo pour reprendre le dessus, c'est-à-dire que tu vas savoir ce qu'il faut faire en premier pour recommencer, pour bien faire et aller de plus en plus loin. Mais quand même, plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas avoir besoin de choses spécifiques. Au début, tout le monde va à peu près bien, tout le monde était bien nourri, a le moral, et au bout d'un moment, tu vas revenir d'une expédition de sort, tu vas avoir un mec qui s'est suicidé dans l'abri. Bonne ambiance. Donc dans le jeu, typiquement, ça va être con à dire... Du coup, c'est fun à jouer, t'es impliqué dedans, t'as vraiment envie de faire progresser. Je sais pas si tu peux vraiment sortir. Tu as vraiment le choix, soit de rester là la journée, de te reposer le soir pour essayer de remettre quelqu'un en état et de retourner dehors, ou carrément l'envoyer tout de suite, quitte à ce qu'il se fasse dégommer, et d'avoir. Les choix sont extrêmement complexe pour peu qu'on s'intéresse un peu au jeu. Après, si on parle juste du côté gestion, etc., à la limite, on s'en fout. Mais là, le plus important, c'est vraiment le message qu'il y a derrière. Et donc, je pense qu'on peut mourir, forcément. Des personnages peuvent type mourir, de jeu. Ça entraîne un déclin du moral, il y a du suicide, on peut se faire tirer dessus. Et toi, ton personnage peut mourir ? Tous les personnages peuvent mourir. Et quand tu recommences, c'est complètement différent ? C'est-à-dire ça va être un peu style roguelike ou... Y a pas, la base, entre guillemets, est la même. Mais on peut recommencer, par exemple, à une époque différente de l'année. Tu pourras commencer en printemps, ce qui sera plutôt favorable, tu n'auras pas de problème de chauffage. Mm-hmm. Si tu commences en hiver, tes priorités seront différentes. Bah écoute, en tout cas, tu me l'as vendu, Jérôme, je sais pas ce que t'en penses, bon jeu. C'est un type de jeu qui... Mais il faut vraiment être sensible à ce genre de... Ouais, j'avais essayé un jeu indé qui était exactement comme ça, enfin exactement non, je connais pas celui-là, où ça se passait dans un abri aussi qu'il fallait gérer. Bon, je reconnais, moi je trouve ça dépressif, j'ai pas envie d'y jouer. D'accord. T'aimes voilà. Pas survivre. Non mais c'est ce qu'explique Barberousse, il le vend super bien, ça a l'air très complet, hyper intéressant, mais j'avoue, j'ai pas très envie. Un petit truc en plus. Ça te semble un petit peu trop mortifère. Oui, vas-y. Ouais, ils ont sorti DLC, alors je vais continuer à vous pourrir le moral, qui s'appelle War Child Charity. Tout un programme. Mais vraiment, le jeu est vraiment excellent. Donc il est dispo sur Steam, Steam et donc crois... bientôt sur PlayStation 4. Il doit être dans les... Et il apporte quoi ce DLC ? En fait, tu vas pouvoir jouer des enfants. Ce qui est encore pire au final. Ah, c'est super. Mon dieu. Ah non, faut mieux y jouer quand t'as plutôt le moral, hein. Ça je te le garantis. Très bien. Bon bah, mais en tout cas, ça m'avait déjà intéressé parce que j'ai posé, on va dire, mes mains vite fait, mais sur un salon, c'est pas forcément le meilleur endroit pour tester ce type de jeu. Mais du coup, j'ai vu qu'il sortait sur PlayStation 4 et j'avais entendu énormément de bien. Tu confirmes, donc je pense que je me ferai ça tranquillement quand ça sortira. Je sais plus si c'est en 2016, mais je crois que c'est pas 2015, mais peut-être plus début 2016. En tout cas, ouais, je pense que c'est dans la même veine qu'un Paper Please ou même un Spec Ops. Ça, ouais, c'est au-delà du gameplay en lui-même. C'est le gameplay en lui-même qui va te permettre de te rendre compte de ce qui se passe vraiment. Ouais, vraiment que tu te mettes dedans, et là encore, alors est-ce qu'il y a entre guillemets un message dedans, est-ce que... Ouais, un peu comme Papers, Please, où clairement verra, quelque chose à raconter derrière, quoi. D'accord, très bien, magnifique. Et bah, je foncerai dessus quand ça sortira, mais en tout cas, voilà, vous pouvez foncer sur Steam, sur PC, pour l'instant, avec un beau DLC où vous jouez des enfants malheureux. Et c'est classe, c'est chouette, hein, on est là pour s'amuser, soit on arrive en période de fête, et là, on a envie de rire, surtout en ce moment, donc jouer à... Il y a pas de terroriste. Jouer à ce jeu. Il y a pas de terroriste. Voilà. Jouer à This War of Mine, il y a de la cagoule, des enfants malheureux, vous allez passer un super moment. C'est bon de se rappeler qu'on peut crever dans n'importe quelle situation. C'est toujours bien de se remettre en question et savoir qu'on peut mourir n'importe quand, effectivement. Merci Rhône pour ce détail chaleureux. On va donner la parole un petit peu à Matt, et on va être sur un jeu tout à fait joyeux, là aussi, hein, un univers post-apocalyptique complètement cool et bariolé, puisqu'on va parler, on va commencer à mettre tranquillement un pied vers le post-apo nucléaire, hein, le gros morceau où on va pouvoir parler de Fallout, justement, et bah c'est Stalker. Vas-y Matt, la parole est à toi. Stalker, effectivement, c'est une série de jeux qui te font arpenter les terres dévastées de Tchernobyl, une vingtaine d'années après la première catastrophe nucléaire, puisqu'effectivement, il y en a une deuxième dans les mois qui précèdent pas. Alors, toutes ces terres, je sais pas si ça va te rappeler quelque chose, mais on les appelle la zone. Ah, la zone. Voilà. Donc tu es dans des paysages vraiment cassés, tu croises des bestioles cracra avec des mutations cheloues, voire même des trucs complètement à la limite du surnaturel. Tu évites au maximum, puis finalement tu tires à vue sur des autres stalkers qui tentent de subsister dans les environs en récoltant ce qu'on appelle des artefacts. En fait, c'est des objets chargés d'énergie aux propriétés vraiment très particulières. Donc voilà, après on va pas se mentir, c'est un jeu assez difficile d'accès, avec un inventaire à poids limité, la nécessité de se nourrir, de pas prendre trop de radiation pour pas crever, mais franchement c'est un jeu complètement ouf, je pense que c'est le jeu où j'ai eu le plus l'impression d'être perdu. Là, clairement, le côté post-apo, là, on y est. Là, c'est vraiment le post-apo atomique, comme on le connaît. On est obligé, on a ses limites. Tu peux sortir, effectivement, à cause de la radioactivité. C'est le post-apo, quoi. Là, c'est l'apocalypse nucléaire. C'est le truc qui est sale. L'univers est dévasté. Et tu survives vraiment avec le peu de trucs que tu trouves. Et est-ce qu'il y a le côté FPS? Alors, moi, c'est le bourrin en moi, hein, qui parle. Parce que je sais que c'est pas forcément un jeu qui est très tourné vers l'action. Est-ce que c'est vraiment, parce que j'ai pas fait, hein, bien sûr, hein, forcément, c'est pas sorti sur console, donc je n'y ai pas touché. Est-ce qu'on est vraiment sur un jeu là où on doit principalement survivre et de temps en temps on tombe sur quelqu'un qui va essayer de nous détrousser, ou est-ce qu'il y a quand même des missions à faire, est-ce qu'on va aller faire, est-ce qu'il y a une histoire complètement installée dans ce type de jeu? Oui, tu as des missions, des quêtes, une quête principale, on va dire. C'est open world, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Après, effectivement, on va peut-être en parler d'ailleurs. Moi, je l'ai pas fait personnellement, mais ce qui va être un peu la version arcade de ça, ça va être Metro 2033. Ça, j'ai fait ça. Mais effectivement, pour ce jeu, c'est vraiment, voilà, non seulement t'es paumé, mais t'es à la merci du moindre rat mutant que tu vas croiser ou du sniper que t'aurais pas vu à l'autre. Ah, coup le rat mutant. Parlons-en du rat mutant. Ça, c'est important. D'avoir du ramutant de temps en temps quand même. Et en plus là tu sens que la zone elle a sa vie propre en fait. Cette musique absolument géniale. Tu as des phénomènes comme des séismes ou des gros orages magnétiques ou radioactifs, tu sais pas trop, mais qui se déclenchent et comme ça fait mal à ta barre de santé, bah ça te fait flipper. Et du coup tu dois courir vers un abri pour essayer de te planquer. Exactement. Tu peux les entendre venir. C'est ça. Donc tu fonces le plus rapidement possible vers. Pareil au casque, vers magnifique. Vers un abri, pardon. Et donc, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans justement cet univers de Stalker? Bah, c'est cette subsistance, effectivement, ce côté survie que tu vas pouvoir retrouver dans d'autres. Il y a le côté pesant, comme tu disais, le fait de se nourrir, etc., et de la radioactivité. On a toujours une jauge à regarder quand même pour savoir où on en est, s'il faut aller courir vers récupérer. Mais t'as quand même cette impression subsistante que tu vas crever, mais quel que soit le moyen, tu vas crever très très rapidement. Tu sais que tu iras pas au bout de ta partie sans mourir. Voilà, t'entends toujours le. C'est vraiment très exigeant. Du compteur GGR en permanence. Tu l'as fait aussi, Barbarossa. Ouais, je l'ai fait aussi. Donc tu l'as fait aussi, ouais. Vous êtes des gens de goût, vous. Ouais, voilà. Des gens du PC. Et l'extension, ça donnait quoi? C'était plus dirigiste, non, je crois, de ce que j'avais entendu. Pas vraiment d'extension, il y a un standalone qui est sorti en plus. C'est Call of Pripyat. Ouais. Donc ouais, c'est voilà. Pas une extension, donc ça suit pas du tout, c'est un nouveau personnage, un univers, oui, non, mais. Voilà. Alors l'histoire va pas chercher très loin, effectivement, c'est plus ce côté vraiment survie. Infiltration. Avant, ouais. Pas infiltration, mais effectivement gestion de tes ressources et essayer de collecter le maximum de. Donc de base, t'es un mercenaire qui est juste là sur place pour récupérer des artefacts dans la zone interdite et les revendre. D'accord. Et puis t'as aussi une partie où t'es effectivement amnésique et tu as un tatouage sur le bras où tu dois retrouver ton passé. Enfin voilà, pour te dire que le scénario n'est pas poussé comme le reste. Mais tes parents sont morts, mais t'as pas une tête de gamin de J-pop et tu vas pas sortir une grosse épée. Ah mais effectivement c'est très exigeant, mais pour les gens qui peuvent l'essayer, franchement je le conseille. Au niveau de l'ambiance, c'est vraiment dingue quoi. Les paysages ils sont figés, l'ambiance sonore elle est mortifère, c'est génial, vraiment génial. D'accord, donc encore un grand jeu à faire si on aime un petit peu le post-apo, et d'ailleurs il est encore très beau à jouer maintenant, je pense. C'était déjà très beau à l'époque. C'est un jeu qui est largement jouable encore maintenant, je pense. Il a pris un petit coup dans l'aile, mais au niveau de l'ambiance, franchement, c'est y a pas à chier, c'est mortel. D'accord, très bien. Avant de basculer complètement vers le post-apo nucléaire, j'avais envie quand même de mettre un petit mot sur un jeu que j'avais bien aimé quand il est sorti, qui était passé un petit peu inaperçu. C'était Enslaved Odyssey to the West. Donc je sais que Ron et Barbarousse avaient mis justement ce jeu dans leur liste de jeux à décrire un petit peu dans le côté post-apo, qui raconte un petit peu l'histoire d'ailleurs de Dragon Ball, je crois, de mémoire. Hein, ça s'inspire d'une légende japonaise. Roi singe, voilà. Alors, qui va en parler? Barbarousse, Ron, vas-y Ron, fais-toi plaisir. Bah, à la limite, moi, je vais parler surtout de ce qui m'a marqué dans ce jeu. Déjà, je trouve que c'est une injustice, que c'est pas été un succès plus important. Parce que je trouve que c'est un jeu qui est, ne serait-ce à jouer, très très très sympa. Alors, peut-être simple, c'est vrai, en termes de gameplay est simple. Mais il est bien calibré. La prise en main, elle est facile et c'est agréable à jouer. Donc et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, je vais mettre de côté la relation entre les deux personnages principaux qui est très intéressante, mais à nouveau pour me concentrer sur les décors d'Enslaved, qui pour le coup trouve une personnalité assez géniale. On a vraiment besoin uniquement d'un screen pour savoir qu'on est en train de regarder Enslaved. Avec ce principe que la nature, c'est la nature qui gagne à la fin. qui envahit toutes les villes, toutes les constructions. Enfin, c'est vraiment de partout. Et il y a ce mélange entre la menace robotique et donc très technologique et la nature qui recouvre tout, qui donne une portée à ce jeu qui est rafraîchissante. Voilà. Et dans un style post-apocalyptique, avoir quelque chose de rafraîchissant, je trouve ça très sympathique et rare finalement. Le travail sur la végétation dans les niveaux est vraiment très bien rendu sur ce jeu-là. C'est un jeu post-apo dans un monde détruit, débarrassé entre guillemets des humains, mais qui est vivant. Ça fait un bien fou. Tout à fait. Très coloré, effectivement. Mmh. C'est vrai que c'est pas du tout le post-apo comme on le voit justement dans Stalker. On est vraiment dans le pur jeu d'aventure action, un peu plateforme. Et d'ailleurs, c'était les créateurs, c'était Heavenly Sword, je crois. Hein. Donc il y a un gros travail sur tout ce qui est animation, tout ce qui est graphisme, personnages, écriture aussi. Parce que je trouve que les dialogues entre les deux personnages sont très très bien rendus et vachement dynamiques d'un passage justement d'un niveau à un autre. Non, mais et c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de... Le gros bourrin, il est animé de façon extrêmement simiesque. Il est très très bien animé, ce mec. Ouais, c'est Andy Serkis, je crois, qui avait fait les captures de mouvement, celui qui a fait King Kong, c'est tout ça. Mais comment il a tout fait, lui. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai, c'est, je crois même qu'il participe au studio. Animé, je crois qu'il participe au studio, il a des billes dans le studio là. Et, il a capturé plus de choses que moi dans Pokémon ou dans... Ah bah, vu la performance capture, c'est lui, hein, de toute façon. Mais déjà dans Heavenly Sword, c'était lui d'ailleurs qui faisait ça. Il est très très doué. Ah, mais Heavenly Sword, c'était un jeu qui était pas très bon, alors qu'Unslave, lui, c'est vraiment bien. Et, c'est un jeu que j'ai retouché il y a vraiment pas longtemps, et ben ça n'a pas vieilli, Unslaved. On peut remettre la galette et rejouer au jeu, c'est sans problème. Hein. Justement parce que le gameplay est hyper abordable, parce que les animations sont très bonnes, et le jeu est très coloré, ce qui fait qu'il reste tout à fait joli. On peut le jouer maintenant sans problème. Hein. Ça coûtera 4 ou 5 euros. Oh, il est dans les bacs d'occasion sans problème. Ah ouais, régulièrement. Ça vaut le coup. Ah, occasion ou neuf, vous tombez là-dessus, c'est maximum, grand maximum 10 euros. Quand c'est pas 5 euros, voilà, dans un bac d'occasion chez Micromania. Quoique je sais même pas s'ils font des jeux à 5 euros, c'est salaud. Mais bon, vous le trouvez pas cher et franchement, ça vaut le coup, effectivement. Vous pouvez raconter un peu l'histoire sans spoiler pour ceux qui connaissent pas ou pas? Alors, en gros, on va suivre Monkey, donc c'est le gros balèze, qui a été capturé par les vilains méchants, et on le retrouve dans une cage de stase dans un avion, et il va pouvoir s'échapper pour une certaine raison. Il va se crasher en plein milieu de la jungle avec la personne qui va devenir son compagnon, mais qui a la bonne idée de lui mettre une espèce de couronne esclave, qui en gros lui permet de faire une chose très simple, c'est que si elle est blessée, lui il est blessé, et si elle meurt, il meurt. De comme ça, elle est à peu près sûre que Monkey va l'aider à rejoindre les siens. Et toute l'histoire va être comme ça, de retraverser le monde complètement ravagé, complètement recouvert par la nature, et surtout traverser des robots de partout. Et il y a toute une sorte, une relation de confiance qui se tisse au fur et à mesure entre les deux. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Je sais plus comment elle s'appelle, la gonzesse d'ailleurs. C'est Monkey. Mais mon Joker. C'est Trip, voilà. Trip va être plus dans l'infiltration, dans la distraction, et Monkey va être plus dans le bourrin pour sauter partout. Et donc comme ça, vous pouvez passer de l'un à l'autre. L'une va faire distraction pendant que l'autre va faire le tour pour tabasser les méchants. Et c'est très vivant, c'est très lumineux. Il y a une petite phase de gameplay rigolote. C'est fluide, ça passe très très bien. N'est pas dans le sombre pour faire du sombre comme beaucoup de post-apo le font, et c'est effectivement très très bien fait, une direction artistique de fou, animation vraiment vraiment incroyable. Donc vous l'aurez compris, on vous conseille Unslaved Odyssey to the West, parce que c'est un très bon jeu, et c'est quand même dommage de passer à côté si vous avez une PlayStation. Il est sorti sur PC ou pas? Oui, il est dans mon backlog Steam. D'accord, donc vous pouvez jouer sur PC, sur PlayStation 3 et sur Xbox 360. Il semblerait que Matt a un backlog de ouf. Hein, mais complètement. Il peut faire des émissions pendant 30 000 ans. Il a plein de jeux à faire. Avec ce qu'il a pas joué. Je pense vraiment clairement qu'il va pouvoir jouer pendant des siècles et des siècles. On va passer sur tout ce qui est Terminator, parce qu'il n'y a pas forcément de grands jeux qui sont ressortis de là-dessus. Moi, j'avais noté un jeu, à l'époque, j'avais joué à un jeu Skynet, parce que c'était vraiment dans le côté post-apo, parce qu'on jouait vraiment dans le futur contre les robots. Mais il n'y a pas beaucoup de bons jeux. Matrix, pareil, hein, c'est pas non plus la joie. Il y avait aussi Darksiders, la série Darksiders. Que du sympathique quand même. Darksiders, c'est très sympa, Darksiders. C'est très bonne série. C'est le post-apo divin. C'est-à-dire que c'est la fin du monde, mais l'apocalypse. Ouais, il y a les anges qui viennent pour nous botter et le là, cul. Là, pour une fois, on va pas jouer un humain, on va jouer un dieu de la guerre qui va tout abasser. Le design était très très classe et les animations aussi. C'était un mec du comics hein, ouais, qui était venu justement. C'est un mec qui avait dessiné Spawn, je sais plus comment il s'appelle. Mais t'avais un alliage vraiment pas mal entre le moderne et l'ancien, effectivement. C'était un peu du Zelda. C'était du Zelda sous stéroïdes. Clairement ouais. Du Zelda, ouais. Ouais, exactement. Des avec une grosse épée. Urbain avec des trucs complètement voilà, religieux, effectivement, dans le thème. Juste un mot sur Tokyo Jungle. Est-ce que quelqu'un y a joué ? J'ai pas joué, mais je l'ai mis dans la liste. Parce que c'est pareil, c'est un jeu qui m'avait énormément intrigué, qui est particulièrement bizarre, puisqu'on est effectivement dans un monde post-apocalyptique, là encore. Mais donc, on contrôle des animaux. Alors, je crois que ça va vraiment du chat jusqu'au lion. Donc, vraiment, on est vraiment dans la chaîne alimentaire. Il y a une grosse progression. Et il faut essayer de survivre. Je crois qu'on peut s'accoupler aussi pour avoir des bébés animaux, etc. Un peu chelou. Donc, je vais pas forcément en dire plus parce que j'ai pas fait le jeu. Il semblerait que personne n'y ait joué. Mais je voulais quand même le signaler pour au cas où quelqu'un qui écouterait cette émission aura envie de tester ça. Ça s'appelle Tokyo Jungle. C'est une exclusivité Sony, je crois, sur PlayStation. Donc voilà. Si vous êtes curieux, allez voir ça. Je peux vous dire que c'est PS3, un jeu japonais, mais on peut pas jouer de poulpe. Donc vous pouvez y aller. Vous ne risquez rien. Donc voilà, Tokyo Jungle. Alors on va attaquer le gros morceau de cette émission, parce que c'est déjà un petit moment qu'on discute, et on va parler donc du post-apo nucléaire, et donc on a déjà fait Stalker, ce qui est déjà très très bien, et j'avais envie de parler de mon chouchou et du chouchou de Barberousse, Mad Max. Hein, mon petit Barberousse, Mad Max, tu as pris une claque, donc non seulement avec le film, mais en plus, le jeu, tu as kiffé, et moi aussi. Je sais qu'il y a des gens qui sont très froids avec ce jeu, mais moi, je l'ai trouvé très cool. Alors, je vais te laisser parler de Max qui se balade dans le Westland avec ses grosses bagnoles qu'on peut tuner au fur et à mesure et tout défoncer. Et moi, le problème, ce sera très rapide, c'est que j'ai joué à ce jeu avant de voir le film. J'ai ultra kiffé ce jeu avant de voir le film. Ça, c'est bien, parce que moi, j'ai surkiffé parce que j'avais énormément aimé le film. Principe assez simple, hein, c'est de l'open world, on va dire à la Warner, comme on a depuis quelques années avec du Batman, avec Shadow of Mordor, enfin vous voyez à peu près le truc, enfin j'espère. Donc je joue Max, il n'a pas vraiment de charisme, on sait très peu de choses sur lui, il parle trois fois, c'est un gros problème, des patates, enfin bon. Voilà quoi, vous trouvez votre Gollum, voilà ça suit vite, hein. Vous trouvez votre bagnole aussi. On traite un chien, c'est pratique un chien. D'ailleurs, il y a souvent des chiens dans les post-apo, pas penser. Ouais, on est souvent seul avec un chien, ouais, c'est vrai. Et puis, il va falloir redevenir l'aigle de la route, redevenir le plus balèze du coin, essayer de retrouver sa bagnole, parce qu'on s'est fait piquer sa bagnole. Ça fait chier, il a plus son interceptor, et ça fait chier. Et l'occasion de ce jeu, ça va être de retrouver notre ami Gollum, qui va pouvoir nous créer... c'est la Primus Optimus... La voiture ultime pour casser les gueules, et essayer de... Au départ de se barrer d'ici, mais il va rapidement se rendre compte que de toute façon il n'a pas trop le choix, il va devoir démonter un petit peu tout le monde pour pouvoir se barrer. Ça se fait qu'on a un jeu un peu bâtard entre un système de combat au sol où on va pouvoir monter en haut des tours pour découvrir le terrain, on va pouvoir capturer des avant-postes en tatanant des gens, etc. Mais dans cet univers Mad Max Fury Road qu'on a récupéré avec les Warboys, avec ses voitures avec des pics de partout, avec les champs de guerre, des mecs accrochés qui balancent des flammes en permanence, avec tout cet univers-là, et avec des... On va pas se le cacher, c'est ça qui fait vraiment l'univers est incroyable, incroyablement rendu, le côté Mad Max et post-apo, ça a vraiment une gueule, mais monstrueuse. Et monstrueuse. En plus des combats à pied, il y a surtout des combats en bagnole qui sont fous. Sont jouissifs. Ça, c'est absolument génial. Attendez juste un petit peu d'avoir le grappin et c'est fini, ça y est. Vous passez des heures sur la route. Parce que là, tu cherches à te bastonner avec ta caisse. Alors déjà, tu erres dans le désert. Alors, c'est un peu con à dire, parce que tu dis t'es dans le désert, il n'y a rien. Mais c'est juste un désert qui a une putain de gueule. Vraiment comme dans le film, ils ont récupéré un peu la colorimétrie de la photo du film, donc le côté bleu dans la nuit et le côté très jaune dans le désert. Et ça a une pêche au niveau de la conduite. Alors ce qui, justement, on perd un petit peu dans les bastons, qui est très très classique, parfois un petit peu... pas palpitante du tout, une fois qu'on a capté un petit peu. Alors le après, système de contre, ça va quand même assez vite. Il est un peu moins dans la parade qu'un Batman où il va sauter partout, il va tout esquiver. Il va s'en prendre dans la gueule, hein. Ça c'est clair. Ouais, il est un peu moins souple effectivement qu'un Batman. Et il va en donner aussi. Mais alors la conduite. Formidable. Mais là, il y a une pêche incroyable. Et comme le disait Barberousse, donc on débloque un grappin qu'on peut faire évoluer au fur et à mesure et qui va gagner en puissance. On pourra arracher les portes, on pourra arracher les blindages, les pare-chocs, arracher les blindages, gens, etc. Ça, c'est bien, arracher les gens. arracher les gens, ça c'est cool parce que du coup on peut le voir traîner, après on peut l'expédier en l'air, en plus après on prend le mode photo et on prend des clichés de ouf avec ça, mais c'est vraiment une des bastons, des balais de bagnole, c'est-à-dire que vous pouvez percuter les gars en appuyant sur un bouton spécifique sur les côtés, vous pouvez les accrocher avec votre grappin et enchaîner un autre en le rentrant dedans avec le turbo, vous avez des gerbes de flammes qui partent dans tous les sens, vous avez des ennemis qui vous sautent dessus, du coup vous pouvez mettre des systèmes pour pouvoir vous protéger, ils vont s'embrocher ou tomber à côté, vous pouvez si vraiment dessus. Ils vous tombent dessus, enfin, hop, un coup de fusil à pompe, blam, c'est ah formidable. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un bon coup de fusil à pompe dans la gueule et vous expédiez ce pauvre malheureux justement dans le Valhalla. Oui, non, j'essaie de retrouver la musique, donc vas-y, continue. Bon. Et ce qui est très très bon donc avec ce jeu-là, c'est que le rien que le fait de se balader dans le désert avec ses couchers de soleil, avec ses changements, ah magnifique. Là on est dedans. Donc là vous avez le Mad Max, il est là au volant de sa caisse, et là vous avez des mecs qui vous tombent dessus. Là vous sortez le grappin, vous commencez à choper une bagnole, vous commencez à percuter le mec à côté, le mec de l'autre côté. Et le but ultime, c'est que du coup vous avez un espèce de gros camion avec des armes à l'intérieur, avec de l'essence, avec du métal, parce que le but c'est de récupérer du métal pour faire progresser sa bagnole. C'est un peu le tuning kéké dans le post-apo, hein, ce Mad Max là. Et là vous avez vraiment des affrontements épiques, mais quand je dis épique, c'est que parfois vous avez je sais 3, pas 4, 5 bagnoles plus un gros camion à dégommer, juste le gros, voilà, le gros camion qui commence à te balancer des gerbes de flammes pour essayer de se défendre au dernier moment. Enfin voilà, ça prend une ampleur au fur et à mesure des affrontements. Alors au début, en plus, quand vous avez vraiment une petite carrosserie, bah, vous faites exploser la tronche, vous sortez de la bagnole, là les mecs tentent de vous rouler dessus, de vous bastonner. Ce qui est bien fait, c'est qu'on donc, peut esquiver, voilà, pendant qu'ils nous roulent dessus, au moment ils sortent. Là on peut les tasser. Ouais. Et là on les défonce, on peut même leur péter la gueule contre le pare-brise, enfin leur mettre des gros coups de latte, enfin c'est très très bon, jouissif. Alors l'histoire est pas folle, hein, comme il l'a dit, voilà, on se fait piquer sa caisse, on va essayer de la remonter, d'aller affronter le gros méchant du coin. D'ailleurs, il y a la cinématique du début où le mec se prend une tronçonneuse dans la gueule, là j'ai dit c'est bon, ce jeu est fait pour moi, c'est emballé, c'est pesé. C'est vraiment jouissif à jouer. Alors effectivement, ça réinvente pas la roue, mais par contre pour déjà d'une, attention, c'est quand même une adaptation, c'est quand même une licence. Et c'est bien, donc déjà c'est vraiment un grand pas, on va dire. Et vraiment, le jeu est carré, bien fait, assez long. On peut vraiment faire que les missions principales et s'éclater. Et il y a vraiment une patine visuelle qui fait que, voilà, au niveau de l'ambiance, ça fonctionne, hein, ça fonctionne clairement. Et même la musique reprend un petit peu les thèmes qu'on a entendus dans Fury Road. Et du coup, ça donne, voilà, un côté épique très très très agréable à ce jeu là. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. On retrouve cet univers cassé, désertique, la mer, mais on trouve quand même des petits bouts de civilisation quand on commence à progresser. On retrouve ces paysages qu'on a traversés dans le film, et on retrouve ces immensités incroyables où il y a rien et on peut avancer vers la bagnole avec la bagnole. Il y a aussi tempête de sable, extrêmement dangereuse, où t'as les voitures qui s'envolent, c'est avec des éclairs qui nous tombent dessus de manière aléatoire. Enfin voilà, ils ont vraiment repris les codes. Je pense vraiment que ça a été rajouté une fois que le film a été vraiment montré. Ils ont rajouté pas mal de petites choses. Qu'est-ce qui a sauvé le jeu, la mythologie. Ouais, je pense qu'ils ont rajouté pas mal de petites choses, comme les Warboys justement, et l'imagerie du film a été rajoutée. Ça donne vraiment une pure identité au jeu. Donc si vous avez fait le film, je pense clairement que vous kifferez le jeu. En revanche, quand même, un petit point négatif, c'est de l'open world classique avec des missions à accomplir, avec des ressources à récupérer pour augmenter des forteresses, etc. Si vous accrochez pas à ce genre de truc, laissez tomber. C'est même pas la peine. Bah, donne-moi un coup de main et puis je t'aiderai. Quand t'arrives à l'autre, bah, donne-moi aussi un coup de main et puis je t'aiderai à donner un coup et de main. Et vous allez de monter main. Des structures pour avoir de la vie, pour avoir à bouffer, pour avoir de l'essence et puis aller plus loin, augmenter votre voiture. Si vous avez pas ce genre de truc, c'est pas la peine. Puis c'est quoi ces caisses? On peut mettre qu'un seul bidon d'essence, n'importe quoi. Faut pas abuser du lancer, c'est là, c'est tout. Faut pas abuser des bonnes choses. Ron, est-ce que c'était un... Bah, je pense que t'as kiffé le film aussi. Est-ce que c'est un jeu qui t'intéresse ou pas du tout? Alors j'ai kiffé le film, le jeu je l'avais essayé à l'E3, il m'avait fait une bonne impression pour tout ce qui était bagnole, donc tout ce que vous dites, jeu plus soi, mais malheureusement ou heureusement, je sais pas, sur Xbox One il y a tellement de jeux à faire que je l'ai un peu mis de côté pour l'instant. Ce sera bon. En parlant de trucs à faire, il y a quand même Matt qui est en train de nous dire tout doucement, tranquillement, qu'il a 59 jeux dans son backlog et qu'il a 131 jeux dans sa liste de souhaits. Donc voilà, le mec, je pense qu'il tranquille, est bien pour une éternité pour jouer à Pio. Donc là, c'est que sur PC. Si jamais un soir tu dors sur la bêtise, c'est bon, t'as de quoi faire. Il y a pas de Yoshi encore dans cette liste-là, ni de Red Dead Redemption, faut quand même le rappeler. Donc il y a encore des jeux à rajouter dans tout ça. Une console après. Alors, si on passait tranquillement à Fallout, on va essayer de faire rapidement parce que on a déjà passé énormément de temps dans les premiers jeux. On a effectivement passer des jeux, hein, si vous voulez rajouter un petit peu vos jeux préférés dans le côté post-apo, n'hésitez pas dans les commentaires, ça sera avec plaisir qu'on vous répondra. Fallout, moi je n'y ai jamais joué, ni le 1, ni le 2, ni le Tactics, ni le 3, bon, ni le 4. Voilà, je pense que vous pouvez pas me virer de ma propre émission, ça se fait pas. Attends, qu'est-ce qui se passe là, dis donc ? C'est un putsch ? On pourrait peut-être voter, moi je serais d'accord pour le virer aussi, c'est un scandale. Ah, bon, bah, moi j'aime bien Barbarossa. Mais je vais vous laisser parler, ça c'est quand même génial, parce que moi je parle généralement beaucoup. Je vais laisser la parole, tiens, Matt, tu en as déjà fait où ? Bah écoute, oui, j'ai fait le 3. Ah, j'ai fait le 3, je connais pas du tout le 1 et le 2, et je sais que c'est honteux pour tous ceux qui les ont fait. Déjà, Fallout 3, bah c'est l'épisode de la trahison où tu passes d'un jeu vu du dessus à un jeu qui est un TPS ou un FPS selon les choix, plutôt FPS d'ailleurs. Ouais, moi j'avais dit que c'était le Fallout Canada Dry. Ouais, c'est ça. Pourquoi Canada Dry? Ça fait bien des PCistes. Bah, c'est plus lisse, ça. Peut-être, par rapport à la violence. Moi, j'avais lu dans le 1 et 2. Mais je sais, c'est continué. Ah oui, bah, ça, oui, évidemment, oui. Non, mais après, bon, là, dans les Fallout 1 et 2, je crois qu'on était vraiment dans les jeux de gros barbus. Après, Fallout 3, c'est un tout petit peu plus édulcoré, oui, forcément. Mais ce qui montre la richesse d'un Fallout 3, en fait, c'est que, on va parler entre plusieurs joueurs de Fallout 3, et en fait, personne n'aura fait la même partie. T'auras des mecs. En fait, t'as le choix dans ton approche. Tu peux être un parfait connard, comme tu peux être un humaniste. Donc, tel mec, tu vas leur tirer une balle, et ça va commencer à devenir tes ennemis. Tel mec, tu vas rentrer dans leur clan, et tu vas essayer de voir ce qu'ils ont à te proposer. Mais généralement, les humanistes, ils meurent dans ces univers-là. Et des mauvaises surprises, en fait. Il y en a certains, que, au final, tu regrettes, pactisé avec eux. Il y en a certains que tu regrettes d'avoir tué, effectivement, mais voilà, ça te met devant des choix, mais alors, encore une fois, on est un peu dans des choix, mais voilà, très rapidement, le jeu te propose d'épargner un village ou de lui balancer une bombe nucléaire dans la tête, quoi. Une bombe nucléaire, carrément, quoi. Ouais, je crois que c'est l'exemple le plus frappant pour expliquer Fallout 3, mais voilà, moi j'ai joué que à cet épisode-là en l'occurrence. Il y a cet aspect ultra ouvert aussi de Fallout 3 qui peut être assez perturbant. L'univers post-apo de Fallout 3 est bien installé. Oh oui, rien que l'intro suffit. Hein. Carrément. Vas-y, continue, Renaud. Non, mais c'est ultra efficace. Hein. Le côté, dès le début, on a les classiques de Fallout, hein, c'est-à-dire en gros dehors c'est dangereux et effectivement dehors c'est dangereux. C'était pas une blague. Comme c'est très ouvert, moi je sais qu'à ma première partie, je m'étais retrouvé coincé sur un pont qui était contre des ennemis bien trop forts pour moi, où je pouvais plus partir et j'ai dû refaire une partie. Où j'ai été bien plus prudent les fois suivantes. J'ai arrêté d'aller explorer à l'autre bout de la carte comme un sauvage. Je retrouve ce que dit Matt, hein, dans tous les choix à faire. Et peut-être que oui, c'est un petit peu édulcoré par rapport au précédent Fallout, mais en même temps, c'est surtout différent. Fallout 3, c'est aussi devenu un jeu d'action. Surtout. C'est un jeu où les bastons, c'est en temps réel, quoi. C'est terminé, hein, d'avancer de case en case ou de gérer son inventaire tranquillement. Donc, c'est plus le même type de jeu. Donc, je trouve que c'est un mauvais procès de dire que c'est une version édulcorée. C'est juste une évolution de Fallout et qui, pour moi, ne trahit pas ses bases du premier, du deuxième jeu et de tactique, qui étaient peut-être des jeux plus grinçants, qui maniaient énormément l'humour noir. De façon plus violente que dans le 3, mais surtout qui étaient des jeux différents, quoi, d'une autre époque. Tout à fait d'accord. Est-ce que tu peux nous placer un petit peu les codes? Parce que du coup, on n'a même pas parlé des codes de Fallout. Donc, à chaque fois qu'on commence un Fallout, on est dans un abri anti-atomique, on fait son personnage, on sort, et là, l'aventure commence. C'est ça? En gros, alors, faut quand même expliquer une chose, c'est que ça se passe dans une sorte de futur vu des années 70, où l'homme a totalement maîtrisé l'énergie atomique, donc à peu près tout est atomique, hein, ça va à des voitures, jusqu'à des robots futuristes qui sont un peu partout, mais dans cet univers 70, avec des femmes et robes à fleurs, des grippins, des petites télé cathodiques très rondes, enfin bon, dans cet univers-là. Et une société Voltech a eu la bonne idée de créer des abris anti-atomiques. Parce que, au cas où, hein, si jamais il y aurait quelque chose qui se passerait au niveau de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, et il se trouve que ça se passe. Et généralement, on se retrouve dans ces abris 50, 60, 100 ans, 150 ans après le début de la guerre, et on va devoir sortir de ces abris vers le nouveau monde, le monde dévasté tel qu'il est décrit dans tous les Fallout. Le Westland. Alors le Fallout, à l'origine, c'était un jeu qui est tiré de Westland, mais... Et va falloir se débrouiller face à ce nouvel environnement. Nous, jeunes innocents sortis de son abri bien propre et bien tranquille, enfin pas tout le temps. Et surtout, faire face à tout ça, aux mutants, aux radiations, aux orages terribles, à tous les méchants qu'il y a dehors, à l'univers punk, Mad Max, quel ne survivant, etc., tout ce qu'on veut. C'est ça, Fallout. Et surtout... Qu'est-ce que tu avais fait, toi, comme Fallout, Rune ? T'avais fait lesquels ? Tous. Ah bah voilà. Ouais. Voilà, Fallout 1, Fallout 2 et Fallout Tactics. Je crois que c'est sur celui-là que j'ai passé le plus de temps. Parce que j'adore les jeux tactiques aussi. Mais je les ai tous faits. Moi, j'adore cet univers où, dans le même temps, oui, on a des espèces de punk et de mecs dégénérés. Et en même temps, des logos avec des petits personnages bien propres et des petites musiques. Moi, j'aurais même placé ça avant les années 70, peut-être plus 60, j'en sais rien, mais États-Unis bien passé, quoi. Cette espèce de collusion entre les deux, moi, je trouve ça à mourir de rire. Je trouve ça drôle, Fallout, et voilà, j'adore ça. Et le petit pastiche avec le personnage là, qui fait justement les espèces de publicité, pas de publicité, mais des espèces de petits messages. C'est la mascotte de Vault-Tec. Tu vois, la mascotte, c'était déjà... C'est la mascotte. Depuis le départ. Ah, le Pip-Boy cherchait le nom. Dès le départ, on avait des espèces de petits messages de prévention, c'est ça, voilà. Anti-nucléaire, si ou des trucs comme ça. Et si en fait le Pip-Boy met son pouce en avant, c'est une technique entre guillemets de défense face à une explosion nucléaire. Si vous mettez le pouce devant vous entre l'explosion et vous, si l'explosion est plus petite que votre pouce, si vous ne la voyez plus, vous êtes dans la zone qui ne sera pas irradiée, mais il y aura une grosse déflagration. Si l'explosion est plus grande, ça va chier. Je tiens quand même à mettre en avant une blague de Matt, parce qu'il le fait dans le chat. Ah non, mais non. Si, parce que celle-ci est quand même particulièrement salée. Donc, je parlais donc de pastiche par rapport au Pip-Boy, et donc il met pastiche par temps bleu. Donc voilà, c'est... Moi, j'aurais bien dit un pastiche 51. Ah, voilà, on est dans l'humour, préparer les glaçons, nous voilà, un petit pastiche 51. Et donc, pour beaucoup, Fallout 2 est considéré comme un chef-d'œuvre. Est-ce que c'est le chef-d'œuvre de la série ? Absolument. Absolument. Et pourquoi ? J'ai envie de dire déjà, pourquoi, il s'est basé sur la recette du numéro 1. Donc, le mec qui sort de son abri, qui va essayer de sauver son abri, parce que dans le numéro 1, on était là pour dépanner une puce d'eau. On est un peu dégagé de l'abri, coup de pied au cul. Ah, tiens, va nous aider, t'as 30 jours. 30 jours, c'est pas beaucoup, hein, quand on a un univers comme ça à explorer. Et en fait, le 2, c'est quasiment la suite directe qui va se baser sur cet univers. On va pouvoir retrouver certains personnages ou certains événements qu'on avait vus depuis le premier. Et dans ce 2, on est à la recherche du gecko. C'est le jardin des Denankits. Vraiment le truc mythique qui va pouvoir recréer la civilisation. Et ça va être l'occasion de voir cette civilisation du 1 qui a continué à évoluer sans nous, avec un autre personnage, avec d'autres organisations. Rencontrer entre autres le Brotherhood of Steel, la confrérie de l'acier, tous ces grands machins et des méga armures, des gros balèzes, retrouver les rats de scorpions, les ghouls, etc. Mais surtout, ça a apporté énormément de possibilités en plus, de la plus conne à la plus géniale, des quêtes complètement débiles. Je me souviendrai toujours de cette quête où on pouvait se faire pote avec un super mutant. Un super mutant, c'est une sorte de Hulk, hein, très très con mais très puissant. Et il se trouve que on pouvait aller voir des prostituées, hein, tout c'est simple. Et puis en payant beaucoup, une prostituée, mais alors vraiment beaucoup, on pouvait envoyer son pote faire un coup. Ça a la limite, hein, c'était entre guillemets rigolo, sauf que le plus amusant, c'est que normalement les super-mutants sont stériles. Sauf une fois dans leur vie. Juste à ce moment-là. Et là, bien sûr, voilà, ça tombe à ce moment-là. Bonne vanne. Tu pouvais aussi te marier, puis prostituer ta femme, ou jouer dans des films porno. Plein de choses débiles à faire. Ouais, plein de belles possibilités. Mais le truc bien précis que moi j'adore dans les Fallout, c'est aussi l'exploration. C'est vraiment un univers à explorer. C'est bourré de références débiles. On peut croiser Doctor Who. Dans un des Fallout, on peut croiser Doctor Who. On arrive dans une zone comme ça, et puis il y a une cabine de police bleue comme ça qui disparaît. Comme ça. Ce qui est une référence bien pointue, quand même, là. Du coup, ah, c'est du nerf en 97, hein. Ouais, carrément, en 97, c'est assez, assez tendu, quand même. Et puis, il y a toute cette mythologie autour des différents abris qui est très, très, très importante. Ce qu'on vous a pas dit dès le départ, c'est que ce sont pas des abris comme ça au hasard. Ce sont pas des abris qui ont été construits pif, où on va mettre tout et n'importe qui. Ce sont des expériences sociologiques. C'est-à-dire que Voltec a utilisé ses vaults, au moins les plus ouvertes, pour créer des expériences bien précises. On va avoir, par exemple, et c'est ce qu'on va retrouver en explorant ces différents abris avec des numéros bien précis, on va devoir retrouver un peu l'histoire de cet abri, qu'est-ce qui s'est passé, quel était le théorème d'origine. Il y a une vault, par exemple, où je crois que c'est dans New Vegas, celle-là, c'est le vault 68 et le vault 69. Donc dans l'abri numéro 68, il y a 100 personnes. Un homme, 99 femmes. Et dans le vault 69, c'est l'inverse. Une femme, 99 hommes. Et à faire deviner ce qui s'est passé après. Quand les mecs sont restés enfermés comme ça pendant 50 ans, qu'est-ce qui s'est passé? En 50 ans? Oh la vache. Est-ce qu'il y a des abris situés près de la mer? Attends, vas-y. Est-ce qu'il y a des abris côtiers? Tu la vois arriver comme ça. Non, faut vraiment que tu remplaces Koé, hein. Il y a de quoi faire. Hein. Oh merde. C'est vraiment lui. Oh, c'est là, je m'y attendais pas. Je dois avouer que je ne m'y attendais pas. Mais le jeu est plein d'humour aussi, que ce soit dans les répliques. On peut carrément jouer un personnage totalement con avec un point en intelligence, à ce que toutes les répliques, ça va être me. C'est con, mais c'est génial. C'est et on va réussir à aller jusqu'au bout de la quête. Ça va être un peu compliqué, mais on va réussir à aller jusqu'au bout de la quête. Ah bah sûr que quand t'as des dialogues et que c'est important et que le mec fait juste né, ça doit pas être et forcément tu vas pouvoir t'adresser les gens pour aller plus vite. Tu vas pouvoir passer le jeu complètement en infiltration, tu vas pouvoir éviter trois quarts des combats. C'est très libre, c'est très bien écrit et c'est le meilleur des Fallout. Toujours jouable, encore maintenant, si ça tu veux pique un peu, mais il est encore trouvable et puis il y a des patchs HD pour le mettre sur nos PC de maintenant, donc c'est encore jouable. Ça va être un peu compliqué, mais c'est jouable. Bah, j'y ai joué des années et des années après sa sortie, hein, donc il était déjà old school. Mais toi t'es vieux, toi, t'as des yeux qui font le filtre, mais du coup ça passe tout seul. C'est de la 2D, ah, mais j'étais pas plus trop, jeune, ça fait quand même un certain temps. Ça vieillit bien la 2D. Ouais, mais c'est exactement. Ça, c'est de la 2D. Et puis le concept même du jeu est avant tout basé sur la façon dont il est écrit et sur l'expérience qu'on nous donne, finalement, moi je sais pas si c'est très important l'aspect technique. T'avais vécu la trahison aussi, toi, Barberousse? Enfin, quand je dis toi aussi, il semblerait que Matt et Ron aient beaucoup aimé Fallout 3, mais est-ce que tu avais écrit au scandale toi, quand le 3 est sorti? Non, pas à ce point-là, parce que je n'étais pas archi fan non plus au point de devenir à moitié fou, mais ça m'a fait mal. On perdait une richesse, on perdait un type d'action avec ce numéro 3, puis la fin est complètement à chier. Ils sont complètement chiés dessus quand ils ont racheté la licence Bethesda. Et New Vegas, parce que là du coup on retrouve à peu près l'équipe d'origine, je crois. On retrouvait des gens de l'origine qui étaient chez Obsidian, donc ils ont allé un peu mieux écrite, un peu mieux construite dans un univers un peu plus intéressant, mais c'est pas folichon. Je pense que le passage au FPS a pas été génial. Fallout 3, ça avait remis un petit peu la licence sur le devant de la scène. C'était sorti sur console, alors peut-être que c'est aussi dû ça, les choix un petit peu plus action, le passage sur console. L'interface console aussi qui a posé énormément de problèmes dans un jeu où tu joues énormément et ton interface des objets, comparer les objets, c'était assez compliqué. Et du coup, Fallout 4, on va conclure tranquillement avec ce jeu-là. Est-ce qu'il y a... alors je crois, Barberousse, que tu as commencé J'ai légèrement. Commencé un petit peu à y jouer 3-4 heures. D'accord. Est-ce que tu as un premier avis pour l'instant? Est-ce que les premiers pas dans Fallout, est-ce que ta sortie de l'abri se sont bien passées? J'ai crashé 4 fois en 3 heures. Ah. 2-3 fois, j'ai mon Pip-Boy qui a disparu. C'est pratique pour regarder dans son inventaire. Ouais. T'as cassé Il est buggé. Ouais. C'est fou. C'est Bethesda. Ah, faut acheter une console. Il est buggé. Je sais pas, moi. La présentation de l'univers est extrêmement rapide. C'est vraiment dommage, on ne présente rien du tout. Le mec, il est balancé comme ça au milieu de nulle part. Bon, à la limite, je veux bien, c'est un Fallout, mais là, on n'explique vraiment rien. Et 2 secondes après. Le mec tranquille, hein, il sait faire un steak de rat de scorpion, il sait bricoler son armure, il y a aucun problème. Hein. Très rapidement, on te donne une super armure. c'est le machin qui était ultime, qu'on avait au bout de 20, 30, 40 heures de jeu dans Fallout 2, au bout d'une heure en tuilant en armure. Super. Assez dubitatif pour l'instant. D'accord, donc au bout de quelques heures et quelques crashs, tu t'es pas 100% convaincu en tout cas. Rhône, est-ce que tu vas tenter la chose? Je pense que oui, du coup, si tu as beaucoup aimé le 3. Alors bah oui, mais oui et non, parce que je ferai un jeu post-apo et je me demande si ça va pas plutôt être Westland 2. Qui est sorti sur console aussi, effectivement. Oui. Et je pense que c'est plus vers celui-là que je vais me diriger également, parce que les jeux Bethesda, on a l'habitude que de les trouver à 40 euros de moins 6 mois plus tard. Pour le 4, je le trouve à 35 euros le lendemain de sa sortie. Oh putain. 25 euros sur un site de clé. C'est ça, ouais. C'est, en général, ça chute très vite, mais pareil sur console, donc j'ai pas envie de le payer cher. Et comme j'ai pas le temps, ce sera plus tard, mais Westland 2 me fait plus de l'œil que Fallout 4. Comme toi, Matt, Fallout 4, tu comptais l'acheter, je crois, Day One, mais t'avais un problème de disque dur. Ouais, je raconte tout. On n'a rien caché aux auditeurs, effectivement. Gros problème de disque dur qui a lâché. Donc effectivement, il y a des priorités dans la vie, donc j'ai pas pu me prendre Fallout 4, mais ce n'est que partie remise. Mais tu comptes te le faire aussi tranquillement, et c'est ouais, priorité c'est par rapport à tes 400 jeux de backlog. Pas faire autre chose en attendant. Bah écoute, je vais attendre quand même que le prix baisse un peu. D'accord, et du coup, il y a des patchs aussi. Mais ça, c'est honteux quand même, parce qu'ils font le coup quand même à chaque fois, Bethesda, tous leurs jeux qui sortent sont ultra buggés, c'est quand même honteux. Il va falloir quand même leur botter le cul un petit peu. Donc d'accord, donc Matt, ça sera un petit plus tard. Alors je vais quand même laisser, il semblerait que Barberousse ait un petit coup de gueule. Voilà, sur Fallout 4, justement. Alors qu'est-ce que tu as à dire? C'est rapide, hein. Alors... j'ai pas encore vraiment assez joué au jeu, je vous l'avais dit, donc pour avoir vraiment un avis complètement fait. Mais le fait qu'il y ait une énorme campagne de communication de partout, ça allait à la télé, sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, partout. Et on ne voyait aucune image du jeu, juste des trailers, juste des petites images du personnage, mais aucun moment de gameplay, rien du tout. Des NDA qui tombaient pile poil à la date de sortie du jeu, personne pouvait donner son avis. Ça pue du cul. Ah, par contre, le Pip-Pip Boy, on l'avait vu. Collector, hein. Puis l'édition collector pour retrouver tous les jeux dans une petite boîte en forme de bombe, on l'a vu aussi. Et puis regardez comme le jeu Fallout 3 était vachement bien à l'époque, vous pouvez y jouer maintenant, c'était vachement bien, et puis le nouveau il va être super bien. Ah, je reste dubitatif. Donc ils en ont fait trop pour un jeu qu'on voyait pas assez. À mon avis, ils savaient très bien qu'il était un peu limite, surtout par rapport aux jeux qui sont sortis l'année dernière, même cette année d'ailleurs, du genre The Witcher 3. Qui a posé des jalons complètement différents dans les RPG ou autres. Ils savaient qu'ils étaient pas au niveau, donc fallait absolument bourrer la com au maximum. Comparé en termes de finition, de contenu, vraiment pas la même techniquement, chose. Etc. Fallout par rapport à The Witcher 3, c'est parce que je l'ai vu tourner moi Fallout 4 sur une PS4 au boulot et je me suis dit mais faut que je l'enlève, j'en vendrai plus. C'est pas possible quoi. T'avais les textures qui t'apparaissaient carrément devant la gueule. Enfin c'est techniquement, c'est assez honteux, je trouve, pour un jeu de cette génération, au bout de 2 ans et demi de console sortie, surtout que c'est un jeu, je pense, que développé de base sur console depuis un moment, plus une autre équipe sûrement sûreté pour l'optimiser, j'allais dire. Non, laisse tomber, c'est pas optimisé. Mais, C'est pas très optimisé. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu de peine de se dire que les mecs, alors déjà, je trouve qu'il est sorti quand même vite par rapport à l'annonce, ce qui est rare. C'est bien. Pas un an après l'annonce. En même temps, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est quand même bien maintenant de pas avoir 4 ans entre l'annonce d'un jeu et la sortie. Mais c'est vrai que voir un gros jeu comme Fallout, et c'est peut-être pour ça aussi que la communication a accéléré, c'est un gros jeu comme Fallout annoncé cet été et sortir directement au mois de novembre, c'est extrêmement rare quand même quoi. Donc peut-être d'où l'urgence de la communication, ils ont pas vraiment eu le choix, mais c'est vrai que du coup en termes d'image de jeu, on avait des petits trucs comme ça de temps en temps, mais c'était voilà, gameplay c'était était pas fermé, fou, on voyait rien, et puis au final je le trouve un peu moins riche. Bon, c'est que le début du jeu, mais il y a vraiment quelque chose qui manque. Bon, après il y a tous les fanboys qui en sont à 150 heures de jeu, hein. Ça, si vous aimez le genre, vous avez du temps, hein, ça c'est clair, c'est fait pour, mais il manque quelque chose pour moi. Déjà en termes de finition, moi je trouve ça un peu honteux. Qu'on te vende un jeu qui crache, bon il y a déjà eu le cas Batman sur PC, mais je veux dire, un jeu qui crache autant de fois, qui a autant de bugs, j'ai même un de mes collègues qui m'avait dit qu'il y avait les mêmes bugs que dans les premiers jeux, entre guillemets, je crois que dans Fallout 3 aussi, par rapport à un marchand où on arrivait à récupérer ses trucs en passant par en dessous, je sais pas. Il y a le bug pour s'envoler, ce qui est très rigolo, il suffit de ramasser un objet, le mettre sous ses pieds, puis sauter. Et comme ça, sauter bon, on peut s'envoler, c'est très rigolo. On a le même bug que dans Skyrim. C'est le bug. Ah bah super, donc tu vois que c'est le même moteur changé avec les mêmes bugs, donc c'est quand même formidable avec un skin. Ah bah je dis bravo. Alors est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Fallout 4 avant qu'on passe à notre deuxième partie? On en a trop dit. Ah, trop dit, trop de pub déjà, toi t'as raison. Attendez 3 mois pour l'acheter, vous allez donc, voir, il va être à 20€, ça va être très bien. Il y aura un super patch sur PC, Full HD 4K, il y aura déjà beaucoup de mods qui sont mis en place, qui commencent à rattraper le truc. Donc. Et il y aura des mods sur Xbox One. Ah bon. Ouhou. Ah oui, exactement, c'est le je crois que c'est le premier jeu qui va permettre de faire des mods sur console. Donc ça, alors je sais pas si c'est déjà actif mais à mon avis non. Mais il y aura des mods sur Fallout 4, c'est une exclusivité. Ah, vous allez pouvoir jouer avec des persos à poil, c'est quoi. Ah, des bistouquettes, on attendait que ça, les bistouquettes vont arriver sur Xbox One et ça c'est beau grâce à Fallout 4. Il était temps. Eh ben messieurs, on va passer maintenant à la deuxième partie, la zone libre. Ah, on se détend. On est dans la zone libre du jeu vidéo. Ah, et voilà, on est bien, nous voilà dans la zone libre, et cette fois on va pouvoir parler de n'importe quoi. On a quitté le Westland pour des trucs un petit peu plus cool, ou pas, on va voir en fonction des sujets qu'on choisit, mes comparses. Et on va commencer par Ron, qui est content. Ron est joyeux, pourquoi ? Puisque, ça y est, la Xbox, via sa nouvelle mise à jour, a mis en place la rétrocompatibilité. Donc Ron, parle-nous un petit peu de tous ces jeux Xbox 360 que nous pouvons enfin lancer sur notre Xbox One. Eh ben, ça fait plaisir. Ces nouvelles machines, on nous les a vendues sans rétrocompatibilité. Sorties de nulle part, on nous l'a annoncé au mois de juin sur Xbox. Ça y est, ça existe pour de vrai. C'est super simple à mettre en action. L'air de rien, la console, elle vient de recevoir 104 jeux en plus. Tous les mois, on aura 2 jeux gratos en bonus. Alors, il n'y a pas forcément tout ce qu'on attendait dedans, mais il y a déjà énormément de choses. Et voilà, moi j'aimerais qu'on m'explique donc comment des gens peuvent grogner ou ne pas être contents de ce bonus complètement inattendu qui vient de débarquer. Pour moi c'est une super bonne nouvelle. On est à une époque où les différences techniques entre les machines est loin d'être aussi violentes que par le passé. Les jeux que t'es sur 360, ça continue d'être tout à fait jouable. C'est tout à fait sympa. Je suis très content moi d'avoir récupéré pas mal de jeux que j'ai vu apparaître hein, dans mes jeux sans que je demande rien. Hop, ils étaient là de bon matin. Tous les jeux immatériels qui étaient dans le cloud, ils se chargent sur ta console. Donc tu n'as rien à même faire. Même les jeux d'Xbox Live Arcade, des choses comme ça. Et ça c'est oui, bien. Absolument. Et ça c'est génial parce que les jeux Xbox Live Arcade, qui c'est déjà des jeux souvent 2D ou qui m'aisaient pas vraiment la sur la technique. C'est vraiment le jeu 1D. Ouais. Mais pour le coup c'est pas des jeux techniques, donc ils étaient valables il y a 5 ans, ils sont valables aujourd'hui. Comme moi j'ai rejoué à Battle Block Theater, je me suis beaucoup amusé. Oui, exact. Voilà, donc des jeux comme ça, il y en a une ribambelle. Et pour les jeux disques, eh ben c'est pas très compliqué. On prend le disque, on le met dans la console et ça. Ils ont fait une petite vidéo rigolote d'ailleurs pour faire la petite contre-attaque, ouais. La petite pichenette comme il y avait eu avec le 3 sur le partage de jeux. Là, on voit une petite vidéo où ils expliquent comment rendre la console rétrocompatible. Donc il y a juste à mettre son jeu Xbox 360 dans la console et hop, vous pouvez jouer à votre jeu tranquillement. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est pour ça qu'on a mis une petite musique joyeuse derrière parce que Ron est content, ce qui est très rare. Donc du coup, il faut quand même mettre ça en avant. Oui, quand même, c'est pas souvent. Du Ennio Morricone, donc déjà c'est la classe quand même. Donc la rétrocompatibilité, comme on l'a souligné, donc non seulement c'est tes jeux que tu as en CD chez toi, tu le mets, ça fonctionne, et surtout le catalogue indé, le catalogue dématérialisé fonctionne, et ça c'est quand même magnifique, puisqu'il y a quand même un sacré nombre de perles sur le Xbox Live Arcade. Exactement. Et j'espère vraiment que petit à petit ça va se remettre dans le catalogue, puisque là donc tu l'as dit, il y a 104 jeux, hein, je crois pour l'instant, et revoir ces jeux Xbox Live Arcade revenir, c'est quand même la moindre des choses que autant ta console, tu vas ta Xbox 360, tu vas peut-être la garder, tu vas la rebrancher si vraiment tu veux un jeu, ce qui est quand même super relou, hein. Les joueurs PC peuvent se foutre de notre gueule parce que c'est quand même assez casse-couille. Bah, ils peuvent pas trop parce qu'ils changent de Windows et ils ont la moitié des jeux qui fonctionnent plus, quoi. C'est un peu dans le même ordre d'idée. Et ce que j'apprécie beaucoup dans cette rétro-compatibilité, j'ai écrit un édito sur Xboxygen à ce sujet, c'est que pour moi c'est une vraie démarche de gamer. Ça en fait une console de gamer. Les jeux, ils sont faits pour durer, ils ont une histoire, ils sont pas faits pour disparaître parce qu'on change de console. Les jeux qu'on a achetés en immatériel, comme tu dis, il y a des perles là-dessus, qu'ils restent, qu'on puisse continuer d'y jouer. Battleblock Theater, je reprends cet exemple parce qu'il y a un jeu en multi qui est super drôle à jouer en local, c'est pas parce qu'on change de console qu'on a plus le droit d'avoir ce jeu, quoi. Donc voilà, je suis content. Okay, et je voulais le dire, c'est que maintenant les bacs du Multimania ou même des autres cash showcase, je sais pas quoi, sont bourrés de jeux Xbox 360 à 3, 4, 5 euros, vous pouvez y aller. Exactement. Justement, on parlait de NSF tout clair. À l'heure, bah, il suffit que le jeu soit rétrocompatible, vous allez prendre votre jeu à 3 euros et vous pouvez jouer sur votre Xbox One à Enslaved, ce qui est quand même assez pratique que devoir rebrancher toutes les consoles, etc. D'autant plus que de l'autre côté, Sony a clairement dit que qu'ils s'en foutaient un peu et que c'était pas du tout prévu et que je pense qu'ils vont les faire repayer de toute façon bientôt parce qu'il y a pas mal de rumeurs sur des jeux PS1, des jeux PS2, etc. ou même PS3 qui vont être loués, hein, parce que tout le monde se fout de la rétrocompatibilité, mais par contre les faire repayer, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, le service est en place, le service fonctionne, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis étonné que du côté du PC, on se foute pas un peu de la gueule de cette technologie. Moi non, vu qu'on l'a déjà depuis longtemps, à la limite, on s'en fout, hein. Ok, très bien. Bon, en tout cas, moi, je suis pareil que Ron, je suis content, parce que j'ai énormément de jeux sur 360, et surtout pour les jeux des maths. Merci, Microsoft, pour cette petite mise à jour. Alors, petite, elle fait quand même 4 gigas, hein. La mise à jour, elle est quand même assez costaud, avec la nouvelle interface, etc. Mais en tout cas, on est content. Alors, Et donc, c'est pas souvent de voir des contents comme ça. Vraiment, hein. ça fait plaisir à voir. Ouais, tu es en train de bondir sur ton siège. Ouais, c'est vrai, je suis en train de gigoter. Balance de gauche à droite, c'est formidable. Alors, Matt, est-ce que tu es prêt pour parler oui, de toujours. Life is Pourquoi Strange? Je t'ai paru pas prêt. Non, absolument pas. Les chats, tout ça, c'est assez inattendu. Un chat mâle ou un chat femelle? On va revenir sur. Bonne question. Un chat femelle. Une bonne grosse. Tu les attires. Tu les attires. Mon dieu. Bon, on va parler de Life is Strange. Qui vient de se conclure. Sorti sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et PC. Jeu parlé français de Dontnod Entertainment, édité par Square Enix. Un jeu vidéo épisodique que je vous avais déjà personnellement conseillé à corps et à cri. Donc voilà, effectivement, Creepers, avec la sortie de ce cinquième et dernier épisode il y a maintenant un mois, au moment où on enregistre en tout cas, la question est double. Que vaut finalement Life is Strange? Et suis-je un con? Donc, camarades, j'imagine que vous avez déjà une petite idée, surtout pour la deuxième ouais, question. C'est vrai. Mais s'il vous plaît, ne tuez pas le suspense pour les auditeurs. On dira rien. Alors, tes vannes parlent pour toi, de toute façon. Donc voilà, petit récap pour ceux qui ont loupé un épisode, et même 5. Yeah! Voilà. C'est beau. Donc, professionnel, le mec. On incarne Maxine, une ado de 18 ans, qui retourne dans la ville dans laquelle elle a grandi pour faire des études de photographie. Le but, ça va pas être de spoiler, mais surtout de parler des éléments qui vont arriver très tôt dans le jeu et qui vont vraiment faire le sel de Life is Strange. Donc Maxime, comme cela peut arriver à toutes les filles pendant un cours, se sent indisposée et demande à aller aux toilettes. Ça me rappelle quelque chose. Bah quoi, c'est vrai. Ouais, c'est un jeu du réel. D'ailleurs, je le précise à nos jeunes auditrices, ce n'est pas sale. Je me dédouane complètement. Bon, par contre, ce qui est sale, c'est qu'elle assiste impuissante à l'assassinat de son ancienne BFF, Sista, meilleure copine, par un connard fini. Et là, vous vous dites, élément perturbateur. Eh bien non, rajoute un élément perturbateur par-dessus cet élément perturbateur. Maxine va parvenir grâce à un pouvoir psychique qui a dû lui venir avec sa dernière poussée d'acné, le pouvoir de remonter dans le temps. Mais ce qui arrive à tout le monde. Ça arrive. Voilà, mais là, on va être sur des courtes sessions. On la joue pas genre, je suis revenu au temps des dinosaures, j'ai trop mal contrôlé mon truc. Non, là, c'est un pouvoir dans le temps, c'est juste une fois par mois ou... Est-ce que c'est lié, effectivement? Non, non, non, on est pas dans le même trip que les filles de Queen Ovi, on va rester sage. Donc, en fait, elle peut revenir dans le temps sur de courtes sessions. Et donc, tout simplement, elle va revenir quelques minutes dans le passé et sauver donc Chloé, son amie. Et bah voilà, ce qu'il y a de formidable dans ce jeu, c'est qu'on est plongé dans le monde de l'adolescence, l'univers des campus américains de petites villes, teinté de Twin Peaks, car la ville est troublée par la disparition mystérieusement mystérieuse d'une étudiante. Ce qui fait partie du très bon aussi, c'est cette ambiance bercée de chansons folk indé, comme celle qu'on entend là dans le fond. Tu parles de l'ambiance Sundance ? C'est ça. On se laisse porter par le temps, et c'est ce qui est bien avec ce jeu, qu'il faut que je termine un jour, moi aussi, c'est que contrairement aux jeux tel qu'on a nommé tout à l'heure, comme Walking Dead, comme un peu tout ce qu'ils font maintenant, c'est qu'on peut prendre le temps. Et c'est hyper agréable sur ce type de jeu de ne pas faire la course à tout, dire à tout et n'importe quoi, que ce soit dans les actions, etc. On prend le temps de se balader. Il y a des scènes plutôt sympas où tu peux assez contemplative, où tu es assise sur un. Je mets assise parce que c'est un personnage féminin, bien sûr. Je ne suis pas assise personnellement, mais où on peut se mettre sur une balançoire, laisser un petit peu écouter des dialogues, du coup qui reviennent dans sa tête, des moments assez précis de sa vie. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est plutôt bien écrit, qui est assez juste sur pas mal de situations, qui essaye aussi, bon, il y a pas mal de références au cinéma puisqu'on est donc elle fait de la photo, il y a des choses vraiment qui sont bien installées je trouve dans ce jeu là et alors du coup je ne sais pas du tout comment ça se passe après le premier épisode, mais moi j'étais plutôt bien accroché. Et donc toi maintenant tu as terminé tous les épisodes, alors est-ce que ça tient debout tout ça? Bah effectivement, donc t'as des scènes qui t'invitent à la contemplation, t'as des clins d'œil sympatoches au geek sans être complètement lourdingue. Et puis effectivement, donc t'as ce, je vais quand même revenir sur ce mécanisme principal qui est effectivement intéressant et globalement bien exploité d'ailleurs dans tout le jeu par Dontnod. Donc effectivement, on a beaucoup rapproché Life is Strange à The Walking Dead. Mais c'est quand même oublier vraiment le cœur du processus de décision. Grosso modo, dans Walking Dead, quand t'as le choix de laisser mourir Lucien ou Artempion, ça se passe pas du tout. Pas croiser cela, ouais. En fait, dans Walking Dead, t'es sur le fil, t'as 5 secondes et la décision, elle doit être prise, voilà, t'as pas le temps de regretter, limite. Là, c'est complètement différent. Tu peux complètement explorer les deux possibilités, c'est-à-dire prendre les deux choix, tout en sachant que tu peux revenir en arrière pour effectivement te décider finalement sur ce que tu vas faire. Donc là, non seulement tu prends une décision, tu prends aussi l'autre. Donc tu as pris les deux décisions à la fois, tu as vu les conséquences, du moins immédiates, et en plus tu vas vraiment... Voilà, on atteint vraiment le niveau bâtard de sa race sur l'échelle de Richter de la culpabilité. Là, je crois qu'il y a pas d'autre mot. Hein. Du coup, tu prends la solution que tu penses être la bonne, sans forcément savoir ce qui va se passer mauvaise, après. Ouais. Voilà, ou la moins mauvaise. Et puis cela, enfin, ça amène aussi ce qui est intéressant, des nouvelles options dans les dialogues. C'est-à-dire, grosso modo, tu peux dire les pires horreurs à quelqu'un, quitte à le vexer. Parfois, tu vas quand même réussir à glaner quelques infos au passage, et ensuite, tu peux revenir dans le passé comme si tu lui avais rien dit. Et même mieux, effectivement, tu peux te servir des éléments que tu as appris dans la conversation. Effectivement, et donc désarçonner parfois l'interlocuteur. Donc tout ça, c'est vraiment des mécaniques intéressantes. Après, c'est vrai que globalement, elle reste confiée à une adolescente, et il y a son côté nunuche qui va, je pense, gaver plus d'un gamer, surtout les moins patients. À noter également que la tolérance de certains yeux va être mise à rude épreuve par les graphismes, dignes d'un Sims 2. Il y a des petites lacunes. Il est méchant. Ah si, parfois, malheureusement, franchement, ça m'a sorti de l'histoire, parfois. Et autre élément négatif, pour les gens comme moi qui aiment les énigmes, comme le Rhône grognon, en tout cas, aime les Season Pass, il va falloir passer au travers de certaines énigmes un peu lourdingues, mais qui peuvent se passer parfois en y allant un peu au random. Donc ça m'a fait plaisir. Des énigmes random, comment c'est possible d'avoir des énigmes qui se passent au random? T'essayes toutes les combinaisons en fait, et au bout d'un moment ça marche mathématiquement. D'accord, très bien. j'ai très peu de matière grise pour ce genre de problème. Est-ce que d'un épisode à l'autre, il y a une vraie, parce que j'ai vu vraiment des avis dithyrambiques sur le jeu, et il semblerait que ce soit vraiment quasiment le GOTY pour certains, enfin que c'est un jeu qui a vraiment marqué l'année 2015. Est-ce que la cohérence sans spoiler du tout, hein, parce qu'on est pas mal ici à pas avoir terminé, même pour les auditeurs. Sinon, ils te casseront la gueule, hein, moi je donne ton adresse, je m'en fous. Et est-ce qu'il y a une vraie cohérence qui s'installe? Est-ce que d'un bout à l'autre du jeu, tu n'as aucun regret? Tu sens vraiment que ce que tu as fait, choisi, a vraiment influencé le jeu? Ou est-ce que c'est un peu comme d'habitude, un petit peu faussé au niveau des choix, etc. Pour moi, ça marche très bien jusqu'à la fin du chapitre 4. D'accord. Et j'ai été très déçu par le chapitre 5. Il y avait pourtant énormément d'émotions dans le jeu. Comme beaucoup d'adolescentes, le jeu il traverse une longue et terrifiante phase dark de grande qualité, qui m'a beaucoup rappelé Donnie Darko, par exemple. Mais le cinquième épisode, pour moi, alors bien sûr ça n'engage que moi, il met des images et des mots qui sont un peu décevants sur des sous-entendus qui étaient sordides à la base et qui du coup perdent de leur puissance. Et le choix final, il est assez discutable. Je suis en train de prendre contact avec la communauté de Mass Effect pour demander une autre fin. Alors moi, j'ai entendu qu'il y avait deux fins, et une qui était très bien et une qui était à chier, effectivement. Non, il y en a deux qui sont pas bien. Non, pardon. Enfin, je suis désolé d'intervenir brutalement. Là. Bah, franchement, après, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que je trouve les fins pas déshonorantes. Dans le sens où on peut quand même en discuter. Après, du coup, on va pas le faire. On le fera peut-être hors caméra avec Rhône, mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que, effectivement, je pensais qu'il y avait qu'une seule des deux fins qui était valable, mais à en discuter avec madame, puisque je l'ai fait avec madame, c'est vrai que la deuxième apparaît comme logique. Donc, après, c'est à en discuter avec vous une fois que vous l'aurez fait, malheureusement. Donc, j'attends, on va dire, pour conclure, je regrette un peu que le jeu n'ait pas pris plus d'ampleur, effectivement, sur l'épisode 5. Mais j'attends quand même la saison 2, car oui, apparemment, une saison 2 serait sur les rails. Et je reste quand même rapidement sur cette fin. C'est pas un problème quand même d'avoir fait un jeu, enfin, 5 épisodes donc sur l'année, et qu'au final, le 5e épisode soit décevant. Je sais que sur certains films j'ai appréciés, il arrive un moment où la fin est dégueulasse et où j'ai quand même apprécié, si tu veux. Donc l'important, c'est le voyage, comme d'habitude, comme on dit. Pas toujours, mais là... Ouais. Moi, je crois pas qu'elle soit si catastrophique. Alors, j'ai eu tout un débat avec Jarel déjà sur ce sujet parce qu'on n'était pas d'accord là-dessus. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de défauts, mais que le capital sympathie du jeu est suffisamment fort pour que ça remporte le morceau quand même. Le jeu, effectivement, moi, je dis par rapport à ce que j'ai fait, je trouve qu'il y a un gros travail d'écriture, etc. Mais c'est plus dans le sens. Pourquoi ils ont fait 4 épisodes? Bon, on n'aura pas la réponse ce soir, mais pourquoi t'as 4 épisodes de ouf? Non, pas de ouf, pas les 4. Ouais. Hein. Déjà, moi, dans les 4 précédents, il y en a un sur les 4 précédents qui, pour moi, est assez faible. Peut-être. Voilà, ouais. C'est ça. Où il y a un vrai problème de rythme au niveau de l'écriture, on sait pas trop où ça va. C'est pas si bien que ça, si constant tout le temps. Mais par contre, le travail qui a été fait pour retranscrire l'ambiance de ce campus avec Max, cette histoire d'adolescente, il est tellement bien ce travail que pour moi ça permet de passer au-delà de défauts d'écriture et de narration qui sont bel et bien là quand même. Oui, complètement. Très bien. Ce qui est une vraie identité, c'est aussi assez rare d'avoir ce type d'ambiance, ce type de personnage principal mis en avant, donc c'est aussi à saluer à ce niveau-là, quoi. De toute façon, moi, j'ai pris le Season Pass directement pour avoir accès à tous les épisodes. Donc vous, vraiment, sur les 5 épisodes, même si vous êtes un peu plus mitigé sur la fin et que vous attendez peut-être un petit peu autre chose, vous êtes quand même très, très positif sur l'aventure de Life is Strange. Ouais, tout à fait. D'accord. D'accord. Donc, Matt, pareil, tu conseilles. Barberousse, t'es un peu comme moi, t'avais commencé ou pas du tout? Non, pas du tout, mais je vais faire comme Matt, il est dans mon backlog et il faut que je le fasse. Très bien. Bon. Et donc oui, au final, je suis pas un con. Ça ah, donc vous voyez comme quoi. Alors cette fin-là, je pense qu'on la discute. Des retournements de situation, ouais, c'est clair. Ouais, je pense qu'il faudrait faire avec la communauté Mass Effect. On va revenir au début de cette phrase. Voilà. Et au final, je suis un con. Ah, ah bah, voilà. Je préfère cette fin. Là, on est d'accord. Là, c'est la bonne fin. Je préfère la deuxième fin. C'est bien d'avoir le pouvoir de Max de temps en temps. Ça fait du bien. Alors, on peut pas mentir aux auditeurs. On n'est pas comme ça, de toute façon. Barberousse, gardez la parole et tu vas nous parler de GOG, Good Old Games. Exactement. Je vous avais vaguement évoqué vite fait The Witcher avec les petits copains de CD Projekt. Mais ces petits éditeurs polonais a sorti en 2008 GOG, une plateforme un peu en ligne, peu comme Steam, où ils vendent plein de vieux jeux, au départ en 2008. Hein. On est en 2015, ils sont plus de 1200 jeux, ce sont des jeux souvent rétro, mais il y a des jeux plutôt récents, et l'idée c'est de pas prendre les jeux pour des cons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de DRM. On s'emmerde pas à mettre des codes, on s'emmerde pas à avoir des versions qui fonctionnent pas, et tout fonctionne. C'est formidable. Mais c'est vrai que... En plus, je prends aussi, il y a quelques jeux que je prends, d'autres, il y a quand même beaucoup de vieux jeux qui sortent dessus. Et c'est quand même plutôt pratique, effectivement, de pouvoir prendre ton jeu et de se dire, bah, c'est le mien. Et ça va marcher. Je peux faire ce que je veux avec. Et ça va marcher. Si je un pote, ça marche. Exactement. Si je l'ai installé 14 fois, ça marche. Et ils l'ont même fait sur The Witcher, quoi. Exactement. The Witcher 3, ils ont sorti The tu Witcher l'achètes. 3 sur GOG, vu que ça appartient aux développeurs, et ça fonctionne nickel. Ils offraient 17 DLC avec. Et est-ce que ça a empêché le carton du jeu? Ah, je crois qu'il a été plutôt bon, hein. Il a été vendu très bien. Je crois que ça s'est plutôt bien vendu. Ouais, donc c'est vrai que le fait, c'est vrai que c'est con à dire, mais maintenant, le fait de se dire que ton jeu est à toi, c'est un peu bizarre, mais sur PC, en tout cas, t'as moins la sensation d'avoir vraiment ton jeu. Alors, je prends l'exemple encore tout bête, je crois que c'est sur Fallout 4. Je crois que sur le disque du DVD PC, il faut re-télécharger combien de gigas, je sais plus, mais je crois qu'il y a que 4 gigas, je sais plus combien. C'est quand même un peu sous de la gueule. Star Wars Battlefront qui va sortir dans pas longtemps. Il y a juste un installeur de quelques mégas sous le CD et puis vous téléchargez. Oh la vache. Magnifique. Bah, il y a les jeux qu'on te vend et qu'on t'enlève, comme Batman aussi. Oui, voilà. Il y a aussi ça, ouais. C'est quand même des, il y a quand même des choses un petit peu bizarres. www.gog.com, plein de jeux énormes. Et d'ailleurs, on vous parlait de Fallout. Fallout 1, 2 et Tactics sont ventes sur le site. 9,39€ chaque jeu. Et puis, c'est pareil que Steam, il y a régulièrement des soldes aussi. Il y a des soldes en même temps. De choses qui se les passent, jeux sont compatibles Windows, tout ce que vous voulez. C'est vendu avec les manuels. Chose et qu'on a assez rarement, il y a des bonus, il y a des sons, c'est souvent filé avec les sons originales, etc. Ouais, très bien. Et surtout le truc absolument magique, j'ai téléchargé un jeu récent qui s'appelait Shovel Knight. Ah, j'ai très bon choix. Oui. En gros, ouais. J'ai téléchargé illégalement, etc. Mais la version GOG. Donc je l'ai installé et c'est installé dans le lanceur de GOG. Donc l'équivalent Steam, c'est GOG Galaxy. Exact. Ouais. Pour lancer le jeu, je lançais mon GOG Galaxy, il se mettait tout seul en ligne et il me lançait le jeu. Magnifique. Et le jour où j'ai voulu vraiment acheter le jeu, j'ai acheté le jeu et puis ça s'est mis tout seul en place, il s'est connecté tout seul, il a repris toutes les infos tout seul, c'était complètement transparent. C'est un système qui monte en puissance de plus en plus, que je pense qu'aussi les gens se rendent compte que c'est quand même bien d'avoir son jeu à soi et que c'est une plateforme qui est plutôt bien faite. Hein. Je trouve qu'elle est assez claire, c'est pas autant le bordel que parfois sur Steam, je trouve, pour s'y retrouver. Il y a fatalement moins de jeux, mais on a de plus en plus de jeux récents. Ouais. On peut faire vraiment des copies de sauvegarde, ça fonctionne. Moi j'ai filé mon compte à des potes, vous avez retrouvé des vieux classiques. Ils filent souvent des jeux. Pour le passage du client en français, ils ont filé Little Big Adventure 1 et 2. Pour l'achat de Witcher 3, vous aviez Witcher 1 et 2 qui étaient offerts. Enfin, il y a énormément de choses, des vieux jeux de 2-3€, même des trucs récents ou plus indés qui sortent. Très si vous êtes rétro gamer et que vous voulez vous faire des vieux jeux PC, il y en a une montagne. Hein. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Ça me donne envie de rejouer d'ailleurs à Little Big Adventure 1 et 2. J'avais adoré Little Big Adventure, c'était quand même assez ça cool. Ça pique un peu quand même. Je pense que ça pique. Je l'ai fait sur PS1, tu te rends compte, à l'époque. J'avais joué à ça, à la manette, pareil, pour les chevaliers de Baphomet. Et on était fous à l'époque, on faisait un peu tout et n'importe quoi. On était heureux, on était bien quand on était jeune. Désolé. Surtout maintenant, cet éditeur-là, l'éditeur polonais qui a sorti Witcher 3, maintenant qu'ils ont fini Witcher 3, ils sont en train de travailler sur Cyberpunk de Sin 2077, et vu le niveau qu'ils ont mis dans Witcher 3, j'attends. Ils ont pas déjà fait une annonce comme quoi ils seraient 40 milliards de fois plus grands que Witcher, ou on n'est pas encore à ce niveau-là sur... C'était déjà très bien sur Witcher, alors... Pareil, déjà, c'est bien. Ouais, déjà, pareil, c'est très bien. Si en plus, s'ils font un univers cohérent et vivant comme dans The Witcher, dans un univers cyberpunk, mais laisse tomber. Super grand, avec alors ça, c'est canon. 8 mètres carrés d'herbe à couper, comme dans le prochain Zelda. On va ouais. Mais il y a du potentiel. Ouais, en tout cas, ouais, ça donne envie. C'est vrai qu'ils ont lancé de côté pour bien terminer The Witcher. Ils ont raison de pas faire 30 millions de projets à la fois, comme certains studios. Et c'est vrai que du coup, on attend, j'espère qu'on aura des nouvelles l'année prochaine à l'E3, en tout cas. On a tous super hâte. Écoutez, moi, je pense qu'on va conclure là-dessus, parce que on est déjà à plus de 2 heures d'émission. Donc moi, je voulais parler, on va faire vite fait, parce que tout le monde s'en fout. De Tekken 2, le film, Kazuya. Mais c'est vrai qu'on s'en fout. Kazuya's Revenge, c'est particulier. particulièrement, je continuerai, c'est particulièrement dégueulasse, donc méfiez-vous, je pense que de toute façon vous ne saviez même pas que ça existait déjà, Tekken 1, qui était réalisé par un mec qui avait fait des Steven Seagal à l'époque, je crois que c'était Twilight Little, il a fait Sauver Willy 2 aussi, enfin, bref. C'était marrant Tekken 1. Ouais, bah c'était moins pire que King of Fighters, comme quoi je regarde vraiment de la merde, mais c'était filmé dans un hangar, il y avait un tournoi de Tekken, sauf que là dans le 2, j'apprends qu'il y a une ville qui s'appelle Tekken, je sais pas, peut-être que j'ai loupé quelque chose dans non, les c'est jeux, Tokyo. Mais non, c'est Tekken, la ville s'appelle Tekken, et ils ont une idée incroyable qui n'avait jamais été dans un film un petit peu de SF, ils ont séparé les riches et les pauvres. Incroyable. Je te non. jure, c'est complètement fou, et du coup le héros se réveille et il est amnésique, complètement malade, parce que c'était un film du passé qui était congelé, qui s'est réveillé. Ah non, mais en fait, bah c'est Kazuya, c'est le fils du grand méchant, et bien sûr le grand méchant c'est le japonais qui fait tous les méchants. Il a fait le méchant dans Mortal Kombat, il a fait le méchant dans je sais plus quel film là de Ridley Scott, je crois, avec des samouraïs, etc. Enfin bref, il y a tous les clichés possibles et imaginables, et bien sûr donc le mec il est dans un espèce de bidonville. Il va affronter des gens, on sait pas pourquoi. Donc il leur casse la gueule, dire le mec c'est un surbâtard surpuissant, mais il s'évade pas. Il est là, il est amnésique, on le force à rester là, mais il casse la gueule juste à quelques personnes qu'on lui dit de casser la gueule, mais il reste là tranquillement comme un petit chien tranquillous. Et après il va aller buter des gens, sans qu'on lui dise pourquoi, mais il tue des gens. Et donc t'as des petites bastons de temps en temps dans des ghettos. Enfin c'est super mal filmé, c'est dégueulasse. Donc ne regardez pas Tekken 2, tant vous ne le ferez pas. Il y a que moi qui regarde ce genre de truc. Enfin bref, c'était ça m'a donné un peu envie. Non, pas du tout, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, donc c'était Tekken 2 Kazuya's Revenge, c'était voilà mon petit truc de zone libre. On reste dans le jeu vidéo puisque c'est basé sur le jeu Tekken, vous l'aurez compris, rien à voir avec Liam Neeson qui pourchasse les étrangers dans les pays de l'Est. C'est vraiment le jeu Tekken en film, et c'est lui il irait pas dans une ville qui s'appelle Tekken. Ah non, il ferait pas ça. Voir les Arméniens, tous les gens avec des langages un peu différents, et il leur brise les bras, c'est enfin au ralenti. Viens chérie, on va se marier en Afghanistan, tu t'es prête, on y va. Oh, on a enlevé ma femme, vite je casse ta gueule. Enfin bref, voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu du post-apo et bah de la zone libre, on va en rester là, je vais donc faire les remerciements. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission, merci à toi Ron, donc de notre partenaire Xboxygen, je ne l'ai pas dit au début de l'émission, honte à moi. Donc Xboxygen, donc tu es comme d'habitude éditorialiste, tu fais plus de tests je crois maintenant, tu... J'ai voilà, plus de tests, maintenant je fais plus fais du beau test aussi, là, des beaux textes. Articles. Ouais. Oui, exactement. Et donc aussi ouais. Animateur du bruit de fond, dont le dernier numéro était particulièrement sympathique. Enfin, je passe toujours des très bons moments. Tu t'améliores, t'es un bon orateur aussi, Ron. Oh, bravo. Mais merci, mais c'est très sympa. Mais toi aussi, tu te débrouilles très bien et tu es très beau. C'est mais... gentil à la radio. Tant mieux que tu dis ça parce que les gens ne pourront pas vérifier. n'allez pas voir mon Facebook. Vous risquez de tomber de très haut. Merci Matt, le nouveau jeune marié, d'avoir participé, d'être revenu pour nous parler de jeux dans le sable et dans le Westland. Ben, merci à toi, c'est toujours un plaisir. Et donc toujours Quid Novi avec justement Barberousse, et donc je vais te laisser présenter toujours ton petit podcast de l'humour, j'aime bien quand tu le présentes, vas-y. Ah, mais d'autant plus que il va sortir un nouvel épisode cette semaine, donc un épisode qui sera sorti, j'imagine, au moment où vous écouterez ce... Oh, le salaud. Le signe du LOL. Le spoil. Donc un podcast effectivement tout ça pour ça l'humour. Ouais. Tout ça pour ça tout ça pour ça lol sur Twitter. N'hésitez pas, c'est une barre de rire de moins de 2 minutes. Et dans ces moments sombres, je pense que c'est un petit peu l'endroit qu'il faut visiter pour retrouver tout le sourire. Ça pour ça c'est rigolo, mais ça fait un petit peu mal au front quand on se tape la tête, mais sinon c'est bien. En plus, je crois que Ron est fan de tout ça pour ça. Ah, moi, j'aime beaucoup ça, tout ça pour ça. Vous voyez, en plus, c'est un mec triste, donc vous comprenez pourquoi il écoute ce genre de choses. Alors, Barberousse, merci d'avoir participé. Mais merci de m'avoir C'était invité. C'était vraiment un grand plaisir. Tu reviens quand tu veux, hein, quand tu sens qu'on parle pas assez de PC avec Matt, n'hésite pas à frapper à la porte et tu seras toujours le prochaine. Bienvenu. Bah écoute, on fait pas de podcast la semaine prochaine, mais on te laissera la porte. Mais tu peux revenir quand même. Mais écoute, avec plaisir pour une prochaine participation, et donc toujours avec donc Quid Novi. Est-ce que tu peux présenter Quid Novi un petit peu à nos auditeurs? Alors, je vais vous demander d'écouter le dernier épisode qui a été enregistré sans nous, n'est-ce pas Matt? Non. Non, il faut quand même qu'ils comprennent ce que c'est. Avec des femmes. Voilà, avec que des femmes, que des nanas qui ont créé un épisode que avec elles, c'est difficile, c'est très difficile. Donc une vie c'est tout bête, hein, c'est juste des gens qui se connaissent, qui racontent des conneries et puis qui font une sorte de revue de web, mais pas technologique du tout. C'est qu'on évite tout ce qui est technologique, on reste un peu culturel. Et puis Ouf, culturel. Oui, alors c'est ça. Avec maths. Oui, culturel. Merde. Au sens large. Très large. Culture dans ce qui nous entoure, quoi, qui n'est pas technologique. Donc ouais, voilà. Puis j'ai lancé un autre podcast qui s'appelle La Playlist. Un podcast musical cette fois-ci. Oui, Matt est invité. Bien. On va se marrer. Oh, le principe est assez simple. J'invite quelqu'un qui vient avec 10 morceaux cultes. Donc ces 10 morceaux préférés, il ne faut en prendre que 10. Et c'est pendant génial, une heure, ça. On va discuter autour de ces 10 morceaux, savoir pourquoi ils sont bien, pourquoi il les a choisis, l'histoire un peu des groupes qui sont cités, etc. Et on termine par ce que j'appelle le titre de la honte, c'est le titre tout pourri, qui est vachement bien, mais... qui est quand même super classe, mais honteux à la fois. C'est pour Matt, c'est ça? Je sais. Ah non, moi j'aurais bien pire. C'est ce il y aura bien pire, oui. Matt. Et voilà, ça s'appelle la playlist, donc LA_playlist sur Twitter. Matt, c'est pour bientôt. Et je suis très content parce que j'ai enfin enregistré un épisode où quelqu'un m'a sorti une musique de jeu vidéo. Et ça, vous le verrez dans les suivants. En tout cas, très très bon sujet, je ne savais pas, j'ai pas suivi. Ouais, et donc, sympa. Il y a déjà combien de numéros de pour l'instant, ce podcast-là? Deux, j'en ai enregistré encore deux et j'ai un enregistrement bientôt dans quelques temps. Donc j'ai un peu d'avance. Écoute, très bien, je vais télécharger ça pour le train vendredi matin. Absolument magnifique. Le rythme de la nuit, c'est toujours formidable. Ah, mais ça, toujours, the rhythm of en the night, c'est tout corona. Le temps, tous les soirs, avant d'aller avec une bonne corona. Un petit peu de pub pour la bière et pour des groupes oubliés, malheureusement. La dance music est là pour conclure, justement, cette émission. Je sais qu'est-ce que je me sorte avec the rhythm of the night. Allez, on va assumer. Ah mais c'est très bien, on va terminer sur The Rhythm of the Night Corona. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment, on a dépassé un petit peu les compteurs, mais bon, de pas trop, on est toujours à 2h, là à peu près à 2h17 d'après mon chrono, on est loin des 3h d'émission qu'on pouvait faire à l'époque, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne matinée, enfin tout ce que vous voulez, en espérant que tout se passe bien pour vous dans ces heures obscures. Voilà, amusez-vous, profitez de la vie, et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc je vous rappelle, hein, Twitter, de toute façon PCQDG, Xboxygène. Maintenant, on est aussi avec Bad Geek. Merci à eux de nous accueillir dans leur catalogue. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain jeu vidéo. À bientôt, les amis. Salut. Gardez le rythme dans le Salut. Post-apo. Mais c'est qui ce recordeur? Est-ce qu'il faisait pouette-pouette? Un bisounours avec des clous sur le ventre. Le passage avec Evangélie m'a particulièrement touché. Dans le post-apo, la post-apu. Rire et chanson. Et maintenant, une musique. Il manquait que des putes et des audis, mais... Ça manquait de putes et d'audis pour faire une production Besson. Tout bien, tout honneur, je vais rester sur toi, Rhône. Après le mariage, on rentre plus facilement dedans. L'histoire ne dit pas s'ils ont à la fois le couscous et les boulettes, comme on dit chez moi. Ah ouais, c'est pas pareil, ah ouais. Moi, ça me fait chier ce que tu dis, ok? Oh, gros mumuscle! Ouais, moi je l'ai trouvé assez plat, le Résistance. T'as joué à un jeu ou pas, là? Parce que t'es un peu relou, là. Vous jouez des enfants malheureux. Et c'est classe, c'est chouette! C'est bon de se rappeler qu'on peut crever dans n'importe quelle situation. Mais il a capturé plus de choses que moi dans Pokémon ou dans. C'est du Zelda sous stéroïde. Ça, c'est bien arraché, les gens. Moi, j'aurais bien dit un pastiche 51. Est-ce qu'il y a des abricotiers? Ah, des bistouquettes, on attendait que ça. Ouais, c'est vrai, je suis en train de gigoter un petit peu, là, je suis content. Une bonne grosse... Suis-je un con? Je suis en train de prendre contact avec la communauté de Mass Effect pour demander une autre fin.